vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. On se fera tendre et on montrera nos belles noix de coco dans une grosse boîte d'adresse. Et Tania nous donnera quelques petits trucs pour quand ça va trop loin et qu'on se fait mordre par les moustiques. Mm-hmm. Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Requis pour la semaine du 17 juillet 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On t'en direct du studio 1 de 1 de Cifou 89 FM à Trois-Rivières. Comment vas-tu, Tania? Ça va très bien, et puis toi? Absolument bien aussi, oui. Merci beaucoup. Oui, excellent. Oui. On a une très bonne émission pour vous, on a 3 heures à passer ensemble, on va se divertir l'un l'autre. Malgré les gags sexuels dans l'intro, ça va être très très platonique. Oui, ça devrait, exactement. Ça devrait. Donc, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui dans tes deux chroniques? T'en as deux aujourd'hui? Oui, j'en ai deux. C'est l'été, on le sait. Ça ne nous l'a pas montré trop dans les dernières semaines. Mais là, tu viens nous le confirmer en disant que c'est l'été. Exactement. Puis là, ça commence justement à pouvoir nous montrer qu'on peut faire des activités extérieures. Donc, il y a une des chroniques qui va être complètement extérieure. Puis, il y en a une autre. Bien, on va essayer de se sauver de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Oui, les moustiques, c'est ça dont on parlait. Bien, tu dis que les activités d'été viennent de commencer. Quand il mouille, tu peux sauter dans les flaques d'eau. C'est vrai. C'est bien raison. Fun aussi. Je ne l'avais pas vu comme ça. Donc, c'est dans les deux chroniques qu'on va faire en première et en deuxième heure de Tania is Gonna Entertain. Moi, autour de ça, j'ai des chroniques maison avec lesquels meubler comme toujours. On va finir avec une grosse pointe d'adresse. J'ai invité quelques personnes, on va voir si ça va fonctionner parce qu'on va goûter à quelque chose que j'ai dit de tendre. Ouh! De tendre ensemble. De tendre. C'est nouveau et ça a l'air bien bon dans la bouche. J'ai bien hâte. On va faire ça en fin d'émission. Sinon, aussi, aujourd'hui, le retour des instructions d'assemblage. On va se donner des petits conseils de vie. T'as bien raison. On va débuter ça avec Sex Smith and the Répond là, la chronique des gadgets inutiles trouvés sur Internet. Ça va être une belle petite partie de plaisir comme on le fait toujours à chaque semaine pendant 3 heures. Mais on débute. Pas en mais musique. On... Ouais, j'ai dit mais. Ça? Mais. Parce que je venais de dire que ça allait être le fun, mais on commence avec. Fait que ça a l'air d'être plate. Mais non. C'est pas très vendeur. Ah, c'est pas si pire. Pas si pire. Alors, on écoute Louis-Philippe Gingras. Voici Sutton tout de suite. Assemblage Requis. On s'étonne pas à ça. Là. Voir ça, c'est... J'évacue mes jeux de mots. Hein. Tu peux pas y faire en semaine. Mon mot de tête pour un mot doux. Mon mois de mars pour un mois doux. Chercher tout partout des bouts de roux. Oh, changer mon bicycle pour un skate, mon monocycle pour un mot de tête. Chercher tout partout des bouts de toi. Veux-tu monter sur le toit de la station de ski? Ce qu'il faut pas attendre. On s'éprend nos sleeping ensemble et rien ne changera. Promis. Veux-tu monter sur le toit de la Toyota Camry? Rie pas, c'est pas drôle. On s'aimera sur le toit de tôle. Changera, promis. Change mon mot de passe, mon passe partout, partout où je passe, tu passes en dessous. Chercher tout. tout partout. Des bouts de nous. Oh, oh, oh. Change 4 30 sous pour une pièce ronde. 3 petits coups pour une blonde. Chercher tout partout. Toyota Camry, ris pas, c'est pas drôle. On s'aimera sur le toit de tôle. Rien ne changera, promis. Ouf, hein? Oh. C'est de l'émotion. On pourra parler longtemps. Ah, de l'émotion? Ben oui. Tu vis ça, toi, des émotions? C'est rare, mais ça m'arrive. En tant que jeune femme du nouveau millénaire. C'est ça, exactement. Incroyable. Donc, c'était Louis-Philippe Gingras avec Sutton à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment de s'acheter des choses. Ouh! Sors le sac cadeau. C'est prêt. Avec le nom Tania. Exact. De Tania à Tania. OK. C'est genre, c'est ça? Voici c'est, ça existe. C'est exactement ça. C'est des cadeaux à soi-même. C'est ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, ça ne répond là à la chronique. On s'achète des choses sur Internet et on le regrette ensuite dans les minutes qui suivent. Commençons par Coolest. Je me rappelle d'avoir déjà abordé le sujet à l'émission il y a quelques temps de cela. Ça commence à faire longtemps, mais c'est, ouais, c'est, hein, je suis vieux. Mais voyons, de quoi parles-tu? Donc Coolest, c'est toutes des plus vieilles chroniques quand même. Ça existe, ça ne répond là, ça paraît pas. Mais donc Coolest, c'est un genre de truc pour mettre tes breuvages. Tu sais, comment t'appelles ça? Un petit truc là. Un cooler. Ouais, c'est ça, c'est un cooler. Mais qui s'appelle Coolest, donc c'est encore plus cool qu'un cooler, qui va devoir envoyer 20 000 récompenses aux gens qui les ont backés sur Kickstarter d'ici 2020, en fait. C'était une campagne Kickstarter très populaire en 2014. Plein de gens avaient payé 165 $ US plus le shipping pour ce cooler-là intelligent, si on veut. Et maintenant, il y a eu des poursuites contre la compagnie par le département de la justice de l'Oregon. Ça a été résolu, finalement, et la compagnie a 3 ans pour envoyer le reste des récompenses. Non! Donc, c'est un gros cooler à glace avec un blender intégré, une planche à découper, des ports de chargement USB, haut-parleur Bluetooth. Ça a récupéré plus de 13 millions de $ chez Kickstarter. Et c'était supposé arriver chez les gens au début de 2015. Et là, il y a des gens qui se disaient qu'ils se plaignaient, qu'ils n'avaient pas reçu encore. En plus, les backers, les gens qui les encouragent sur Kickstarter, pouvaient payer $97 de plus pour sauter la ligne et recevoir les couleurs en premier. Okay. Tu comprends? Pour devancer les autres. Ouais. Les coûts de production donc ont été plus que ce que les gens avaient misé ou donné au départ. Ça a attiré bien des gens qui étaient nouveaux dans le domaine du sociofinancement, ce projet-là. Et puis maintenant, après la poursuite, ça a été décidé. Il va y avoir 2 classes de backers, donc les résidents de l'Oregon et les gens d'ailleurs au pays, parce que c'est le département de la justice de l'Oregon qui a déterminé ça. Donc il faut, ceux qui ont fait leur plainte avant le 15 avril 2017, ou le jour même, l'État a imposé une deadline, donc une date limite du 13 octobre prochain pour recevoir le cooler ainsi que les accessoires. Pour les autres gens au pays, la compagnie doit garder une partie de son argent qui va être utilisé pour rembourser ces gens-là. Okay. Donc, il dit il y a environ 20 000 couleurs qui restent à envoyer pendant les trois prochaines années. Et quand même. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'argent pour eux. Déjà que c'était un projet qui avait peut-être des difficultés, sinon ils auraient sorti leur produit. Donc là, en plus, ils se font poursuivre. C'est plate pour eux autres, mais Colin, quand tu promets entre guillemets quelque chose... Ben, c'est ça. Et assure-toi que tu peux le livrer. C'est ça. Ben, faut dire encore une fois, on le répète fréquemment dans cette chronique-ci, mais Kickstarter n'est pas un magasin. Tu ne fais qu'encourager un projet. Ça veut pas dire que ça va finir par t'être livré. Ensuite, on passe en magasin, comme on le fait une fois de temps en temps, pour parler de Walmart, qui va utiliser des grosses machines distributrices Orange pour les ramassages en ligne. OK. En magasin, pour ramasser tes achats en ligne, si on veut. Donc maintenant, quand tu vas rentrer chez Walmart, tu vas peut-être arriver devant une grosse machine Orange. Mm-hmm. Une machine Orange avec l'option de ramasser ta commande que tu as fait sur Internet. Un représentant de Walmart a dit à Consumerist qu'on prévoit faire de l'expansion avec leur programme Pickup Towers. Parce que maintenant, la compagnie a 15 pick-up towers, ces tours de ramassage dans des marchés clés, dont Tulsa, Atlanta, Dallas et Détroit. Donc, c'est un énorme, une espèce de kiosque, si on veut, on dirait une... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Un truc à téléporter dans Robin Stella. Oui. Rapidotron. Sinon, une cabine téléphonique géante. Exactement. Quelque chose comme ça. Bref, c'est une machine qui va du plancher jusqu'au plafond. Ça utilise une technologie qui ressemble à un guichet automatique. Pour permettre aux gens de ramasser leurs commandes qu'ils ont placées en ligne. Ça a été testé dans la ville mère de Walmart en Arkansas, à Bentonville, donc en Arkansas, en novembre dernier. C'est leur façon d'essayer de rendre la chose plus pratique pour les gens qui magasinent en ligne. Et c'est ça, c'est gratuit, c'est un service gratuit, le service de ramassage en magasin, donc pourquoi pas s'en servir dans ces gros kiosques-là. Il faut avoir placé une commande en ligne dans les magasins participants pour pouvoir après ça les ramasser dans le gros tube Orange. Tu dois pas pouvoir le ramasser n'importe où. Non, et on dirait un cône de construction. C'est vrai. T'es pas sûr que tu dois continuer ou faire attention, il y a les lampes. Bref, continuons avec... tu sais, tout est intelligent de nos jours. Je sais pas si t'as déjà entendu cette réplique-là de ma part. Tout est intelligent de nos jours. Peut-être, je dirais... Une fois par semaine dans chaque chronique. C'est ça. Donc maintenant, on est rendu à des pots de fleurs, à des pots de plantes intelligents. Donc ça va punir tes plantes si tu ne changes pas tes mauvaises habitudes. Est-ce que ça t'intrigue un peu? Ouais. Donc, si tu les arroses pas? C'est ça, c'est un designer. Mais c'est normal qu'ils vont mourir. Ouais, mais autrement, tu vas voir. Donc c'est un designer une personne qui a gradué, en fait un garçon qui a gradué de l'université Royal College of Art, c'est un collège, Jin Shin Shu. Dans leur programme d'ingénierie et de design, donc Innovation Design Engineering, qui nourrit ou prive les plantes de nutrition dépendant de comment leurs utilisateurs sont prêts à affronter leurs mauvaises habitudes. Donc, quand tu as une mauvaise habitude dans la vie, tu veux essayer de la réparer, ça va servir à ça et ça va punir une plante. Okay. Donc, tu comprends que ta conscience est comme imaginée par la plante et comme tu vis à travers la plante, si on veut. Donc, Elle ressent tes émotions. Elle ressent tes émotions. Comme les bagues dans le temps. C'est pareil comme les bagues. Pareil comme les bagues qui changent de couleur. Ah, ça, c'était la mode. Vraiment, ça s'appelle Fabit. Ça vient d'une application qui va catégoriser la personnalité de l'utilisateur basée sur un quiz qui analyse leurs réactions en différents scénarios. Donc, leurs réponses déterminent s'ils sont classés comme un obliger, qu'on appelle, donc quelqu'un qui suit les règles. Mm-hmm. En fait, la différence entre obliger, upholder et questioner ou rebel, des fois, sont pas super clairs. Non, c'est ça. Hein? Mais bref, ça donne une de ces quatre personnalités-là et ça va être utilisé, pour dans le fond, te faire changer de façon de faire. Oh, d'accord. Voilà. Donc, le Fabit peut se connecter à votre téléphone, votre iPhone, bien sûr, par le petit health tracker à l'intérieur. Ça va compter, entre autres, ton nombre de pas. Ça va surveiller aussi ton comportement et ça va utiliser un GPS pour détecter quand une personne entre dans un endroit précis et le temps qu'il passe là-bas. Par exemple, si, mettons, tu veux aller au gym tout le temps et là, tu y vas pas, ta plante va payer le prix. Oh non, c'est triste. C'est triste, hein, mais ça va t'encourager un peu comme n'importe quoi, comme tu un enfant. Tu veux pas que ta plante meure. C'est comme un Tamagotchi. C'est pareil. La plante est dans un petit tube, pareil comme chez Walmart, si on veut, mais il te donnera pas de commande, par contre. Donc, c'est très extrême, mais quand même intéressant comme idée, le Fabit. Et voilà. Ensuite, passons on a parlé un petit peu la semaine passée du pouce qu'on pouvait s'ajouter à la main. Oui. Suivi là-dessus, Le third thumb dont on a parlé donc va non seulement faire que vos téléphones vont être plus faciles à tenir avec un pouce en dessous. Tu sais, quand tu prends ton téléphone avec un grand écran, t'as de la misère à tenir le téléphone, il est trop lourd. Il faut que tu tasses ta main de haut en bas, puis faut que tu prennes ton petit doigt pour empêcher que le téléphone glisse. C'est vrai. Un, ça sert à ça. Deuxièmement, il y a un gars qui a appris. Ou c'est... De ses erreurs? Non, il a appris à jouer de la guitare avec ce third thumb-là. OK. C'est pour ça que je voulais en parler. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Donc, il y a un gars qui joue de la guitare avec un pouce additionnel. Ça aide. Ça aide. Et on avait dit la semaine passée, je me rappelle bien, que c'était contrôlé par les pieds. Hein. Oui. C'est ça, cette affaire-là. Hein. Bref, voilà, le third thumb, c'est un projet de Danny Claude du Royal College of Art à Londres. Donc, un doigt motorisé qui s'attache sur n'importe quelle main. Parmi vos deux mains, pour la plupart des gens. Ensuite, on va dire, on sait pas. Ensuite, on va parler de smoothie un petit peu avec un smoothie maker qui s'appelle le Milo. On appelle ça, attention, un blender intelligent. Ben oui. Évidemment. On peut pas passer à côté. Non, donc le Milo Smoothie Maker, ça promet d'être le meilleur blender, le meilleur design de blender que vous avez jamais vu. Hein? Donc, son système Air Drive utilise des aimants pour faire fonctionner la lame, ce qui élimine trois quarts du bruit d'un blender traditionnel. Wow. Tellement dérangeant dans la vie. Je sais. Hein? Et puis, la chambre, le tube dans lequel le smoothie est et le capuchon qui scelle tout ça, le capuchon en passant qui contient la lame, se vissent ensemble et ne sont pas attachés physiquement à la base. Donc, une fois que ton blending, ton mélange est fait, ouais, tu peux juste retirer le truc de dessus. Il est pas branché après la base. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Je comprends, ouais. Il y a aussi une batterie, une pile à l'intérieur, donc on peut l'amener au bureau. On peut l'amener au bureau. Le couvercle intelligent se souvient de tes préférences de malaxage sur ton téléphone cellulaire, donc tu peux partir n'importe où et puis utiliser la surface tactile de la base pour te blender quelque chose. Ah ouais, blende-toi ça. Combien paierais-tu pour ça? Je sais pas, hein. C'est une question qui m'achale, ça. Ouais. Sois pas trop conservatrice, bon. Non, c'est ça. Je dirais que je pense que juste pour la technologie, c'est sûr que ça vaut au-dessus d'une centaine de dollars. Ça vaut pas mal plus. Ça vaut le triple. 315 $ US, je sais. Je l'achète pas. Inacceptable. Je vais garder mon Magic Bullet. Mais en même temps, au nombre de smoothies que tu bois par semaine, combien tu fais de smoothies par semaine? Combien par jour, pour commencer? Ben, par jour, c'est 1. OK, fois 7. J'en bois pas tout le temps. Fait que je dirais aux alentours de 4 à 5. Ah, pas super, OK. Ouais. Ah, t'es pas une grande utilisatrice, finalement. Ben, je suis une grande utilisatrice, considérant le fait que c'est des fruits quasi tous les jours. Ben, mettons, on va dire ça comme ça, ton Magic Bullet est un bon investissement pour toi. Oui. Mais pas nécessairement... Mais je l'ai même pas payé, en plus, elle a été un cadeau. J'ai jamais reçu un cadeau aussi gentil que ça. Alors, imagine comment c'est rentable. C'est en plus, tu l'as pas acheté. C'est ça, t'imagines? Hey. Ensuite, on parle de tes futurs enfants. Oh mon Dieu, lesquels? Je sais pas, on va voir. Ça s'appelle le baby dam. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, un dam en anglais, à part damn if you do, damn if you don't? Non. Un dam, c'est un... tu sais, les castors font ça, c'est un petit muret, un petit... comment on appelle ça? Un petit mur? Un petit... non, il y a un mot pour ça. Un barrage. Un barrage, ben oui. J'étais pas... j'ai eu... c'était bon, c'est ça? Donc, barrage pour enfants, mais c'est un diviseur de bain. Oh! Quand tu prends ton bain en enfant, là, imagine comment tu peux gaspiller à ton enfant. OK. Non, tu vas gaspiller de l'eau en remplissant le bain au complet. Je veux dire, ton enfant, il mesure quoi? Genre 3 cm cubes, là, t'sais. Puis clairement, si tu le remplis au grand complet, il va se noyer. Et on souhaite pas ça à personne. Non, hein? C'est ça. Pensons à nos enfants. Le baby dam, donc, vous permet de faire prendre votre bain. Le bain de votre enfant. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Économiser de l'eau, de l'énergie, du temps, de l'espace, de l'argent. Donc, ça fonctionne dans les bains standards avec les fonds normaux, là, doux. Hein? Et puis, ça peut facilement être tassé pour agrandir l'espace de votre bébé plus le temps avance. Ça sauve environ 15 gallons d'eau avec chaque utilisation, ce qui va en plus sauver du temps en remplissant moins le bain et économiser de l'argent sur le chauffe-eau. C'est sûr. Et en plus, ça peut même servir de bain pour les pieds, donc même pas besoin de bébé. Oh, wow! Sauve les bébés! C'est une très bonne idée, j'en veux un. Sauve les bébés. C'est le Baby Dam Bathtub Divider. Ensuite, celui-là, Tania, je sais que tu l'aimes. Est-ce que tu l'as déjà vu? Oh, je l'ai déjà vu. Pas le choix de l'avoir déjà vu. Je l'ai même déjà vu en magasin, Mathieu. Tu l'as pas acheté? Non. Tu l'as pas amené? Ben, je trouve que ça fait un petit peu trop excessif. Peut-être, mais c'est un bon cadeau de gag pour un enterrement de vie jeune fille ou peu importe comment on appelle ça. C'est vrai. Un baby shower, donc c'est littéralement un baby shower. Non? Si t'as un baby shower, t'es déjà enceinte. Tu peux pas boire. C'est pas quand tu l'as eu? Ah, t'as raison. c'est avant. J'avoue, excuse-moi, j'étais encore sur le bain et non pas la douche. Oui, c'est bébé, ça, je vois ça. Une chose à la fois. Donc, le Guzzle Buddy qui change votre bouteille de vin, oui, en verre à vin. Donc, en coupe à vin. Et en plus, c'est que ça aère. Ça laisse aérer ton vin. Hein? Donc, ça peut être utilisé, bien sûr, pour du vin, pour de la bière, pour de la liqueur, pour du champagne. Et ça devient un grand contenant à boire. Et puis, ça aère, comme on disait, en même temps que tu verses. C'est vraiment cool. Donc, t'enlèves le bouchon. Ensuite, tu visses ça dans la comment t'appelles ça? L'entrée de la bouteille. Ouais, c'est le ça. Goulot. Le goulot. El goulot, comme on dit en espagnol. Un manchon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, Mathieu, oui. Un manchon 100% silicone qui aide à faire un saut pour empêcher les dégâts. C'est fait de vitres borosilicate. De haute qualité, quelque chose comme ça, c'est sans BPA, sans plomb. Je sais pas ce que c'est. Ben moi non plus. Bref, une bouteille et un verre, c'est tout ce qu'il vous faut. Voilà. Ensuite, on reste justement dans le vin avec... Ça, c'est vraiment fantastique. Pour ceux qui boivent leur vin à l'extérieur et qui veulent pas avoir plusieurs tables, tu sais, les gens sont pas nécessairement à une table, t'es à une chaise. Et là, la table est très, très loin. Tu vas mettre ta coupe de vin par terre ou entre tes cuisses, comme... je sais pas. Ou t'essayes juste de la faire tenir des fois, puis là, tu sais, bang, elle tombe. Très, très mauvaise idée. Donc, pourquoi ne pas planter vos coupes de vin directement en gazon? Ah, c'est-tu pas merveilleux? J'adore cette idée. Super pratique. Donc, c'est des verres de vin, des coupes de vin en acrylique. C'est fait comme une plante, comme une fleur. Ça lui permet donc d'être de percer le sol, le sable, la neige. Bien sûr, on boit tous du vin extérieur. Oui, dans la neige. C'est une petite floche là, au vin. Ben c'est ça. Ça gèle pas l'alcool. Hein. Non, ça gèle pas. Ah, tu vois? Mais ça peut faire de l'espèce de slush, par exemple. Ah, c'est tant mieux! C'est bon, c'est ce que j'espérais, en fait. Mais c'est juste pas bon. Non? Non, pas tant. Ah, je suis tombé déçu. Pas quand il s'est mis au congélateur, mettons. Non. Capacité de 12 onces et ça peut aller au lave-vaisselle. C'est bien l'ensemble de deux. C'est parfait pour les pique-niques, les parties dans la cour arrière, le camping, la plage, la piscine ou peu importe. Ensuite, est-ce que t'étais fan quand t'étais jeune ou même peut-être maintenant, il y a des gens qui sont adultes et qui trippent encore sur les cubes Rubik? Non! Non! Non, parce que j'ai jamais été capable de le faire. Je te comprends là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est juste pour ça que j'ai jamais trippé là-dessus. Pas mais mal. J'ai un de mes amis là qui est excellent. Là. Tu y mets un cube Rubik dans les mains, je te jure, en dedans de 16 secondes, il est terminé. Ce serait une très bonne chronique à la radio, ça. Tu sais, comme des émissions genre du matin, salut, bonjour, là, tu sais, tu sois du monde à caméra. Mais fais-moi ça, là, à radio, marche moins un peu. C'est ça. Marche moins un peu. Donc, c'est le plus petit cube Rubik. On avait déjà parlé par le passé du plus gros cube Rubik. Cette fois-ci, le plus petit, 5,6 mm de largeur environ. C'est quoi, 5 mm, c'est quoi? Pas très gros. C'est moins qu'un pouce, c'est le petit doigt. Même pas, c'est un centimètre, ça, le doigt. C'est la moitié. Wow. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Donc, minuscule. Comment petit, tu réussis à le faire? Ben, ouais. Ça te prend des pinces? Hey, ce qui m'impressionnerait vraiment plus, là. Tu sais, là, ceux qui peuvent faire un nœud dans la tige d'une cerise. S'ils étaient capables de se faire un haut de comment? Tania, t'es capable? Ben, c'est sûr que t'étais au courant, Mathieu. Oui, je me souviens, tu me l'as déjà fait, mais ça, c'est loin dans mes souvenirs. Ouais. Mais je suis capable d'en faire trois. Est-ce qu'on fait une chronique radio? Chercher ça à chasse. Non. Non, okay. Ça fait longtemps que je me suis pas exercée, par contre, en faire. De la bouche? Non, mais tu sais, je parle des nœuds. Ta bouche a servi pour d'autres choses. Ouais. OK. Mais je parle des nœuds dans les queues de cerises. Des queues? De cerise. De cerise, ça. Hein? Oui. Donc, le plus petit cube Rubik sera ton prochain défi, Tania. D'accord. Ensuite, on fait comme si de rien n'était et on passe à un autre c'est sujet. C'est ça, parfait. Est-ce que t'es du genre un petit peu paranoïaque? Ça dépend à quel sujet. Mettons, je te regarde, je te dis, il y a quelqu'un qui t'espionne sa webcam de ton écran en ce moment. Pas tant, là. Je vais faire des niaiseries ou pas. Non, ben, pourquoi pas. T'as rien à cacher. Ben, ça dépend. Oh! Les queues dans la bouche. Donc, c'est un slider pour la webcam. Super minimaliste, c'est pour empêcher les hackers, les gens du gouvernement, ou c'est quoi, la zone 51, les autres, de vous retrouver. Donc, c'est une petite couverture vraiment pas chère, ça sert en 5 secondes, ça vient avec un mécanisme de glissière là, super pratique, qui va rendre le processus d'ouvrir et de fermer votre caméra des plus simples. Ça, c'est évidemment si vous faites confiance à la compagnie qui a fait ces affaires-là. Oui, c'est parce que sûr. Peut-être qu'ils ont mis une caméra dans le cache-caméra. Oh! Hey, arrête, là, tu vas leur donner des idées. C'est ça, puis n'oubliez pas de mettre du papier d'aluminium tout le tour de votre portable aussi. Exact. 10,97 canadiens. Ouh! Pour pouvoir arrondir, là. Ensuite, on a parlé il y a quelques semaines, je me souviens d'avoir parlé de sac d'IKEA. Et c'était quoi, un manteau, je crois, une sacoche qui ressemblait à un sac IKEA. Des bon, souliers aussi. Des souliers, absolument. Bien. Ici, on parle, attention, d'un string. Ah non, c'est terrible, c'est même trop large comme bord. Ben, et pourquoi est-ce qu'il y a un porte-clés après? Je sais pas. C'est ce que je comprends C'était pas. C'était ma prochaine question. Bref, ça ressemble à juste la ligne là, sur le bord du sac. Ou est-ce que c'est la bandoulière ou en tout cas quelque chose comme ça? Et puis le crotch. Ouais. C'est la même chose. Et le butt? Les fesses, mm-hmm. le fessier. Là, c'est un morceau de plastique. Et comme je disais, ça vient, Colin, avec un porte-clés. Pour des raisons, j'imagine, qui doivent avoir du sens pour quelqu'un. Mais je ne la vois pas. Il y a d'autres vêtements aussi. Un manteau vraiment plus ample. Et il y a un petit un masque pour les gens en Asie là, qu'il faut qu'ils se protègent contre ce qui se passe dans l'air. Dans l'air, ouais, c'est dans ça. L'air. Et il y a des petits chapeaux à la Gilligan. Ah, OK. Hein? Il y a un petit sac messager. Il y a des bottes. Oui. Il y a un tablier. Un tablier. Qu'est-ce qu'il y a? Une casquette, mais ça arrête jamais. Une belle petite robe One Piece. Je tiens à dire que la fille sur la photo fait vraiment peur en passant sur la photo de la fille. Effectivement, elle a l'air de vouloir te tuer. Oui, on va se exact. Dire. Et l'autre, c'est comme un genre de petit top. Là. Ça arrête plus. Il y en a vraiment plein. Mon Dieu. Bikini, peu importe. Donc, en sac d'IKEA. Non, c'est terrible. Le prochain, peut-être, en avez-vous parlé, parce que ça me semble quelque chose qui serait mentionné un petit peu partout sur Facebook. Donc, on parle de Red Lobster qui a fabriqué un baume à lèvres. Cheddar Bay Biscuit. Non. Cheddar Bay Biscuit. Donc, un peu à la PFK qui a fait du vernis à ongles, etc. Donc, ça goûte apparemment comme leur biscuit Cheddar Bay. Donc, c'est biscuit, c'est pas comme on l'appelle en français un biscuit. Là. C'est les petits pains, le Pillsbury en fait aussi. C'est comme des petits pains moelleux. C'est vraiment super bon. Apparemment, ça goûte le popcorn au caramel. Ah ouais? Avec, ouais, un arôme. Ouais. Qui ressemble donc à ce que le biscuit sentirait si tu mettais du sirop d'érable dessus. Apparemment, ça a été créé pour commémorer le 25e anniversaire du Cheddar Bay Biscuit. Ça a été donné à 250 nouveaux membres du Fresh Catch Club. Donc, c'était disponible au mois de mai environ. Donc, peut-être allez-vous pouvoir en retrouver sur eBay un jour. Peut-être. Ensuite. Qu'est-ce que le prochain gadget serait si je t'avais à trouver un petit adjectif pour ça? Étrange. Non, je dirais intelligent, mais oui, ah, t'as oui, raison. Évidemment, t'as raison. Intelligent. Donc, si j'avais la tête. C'est toujours intelligent la réponse à cette question-là. Exactement. La dernière affaire que tu dirais dans la vie qui a besoin d'être intelligente, je pense, ce serait ta salière. Hein? C'est vrai? J'ai pas besoin d'une salière intelligente. T'as absolument pas besoin d'une salière intelligente, mais en voici une quand même. Ça s'appelle Smart Salt Shaker, qui est aussi un haut-parleur Bluetooth. Ben oui. Ouais, donc Bluetooth qui peut changer de couleur avec une petite lumière d'ambiance. Tu sais, quand t'arrives genre pour un souper romantique, à place c'est de te partir une chandelle, tu mets la salière à sa table. Chérie, tu me passes-tu le sel? Ah, mais là, notre décor romantique. Ça vient de tout tomber à l'eau. Ouais, et ça dit que ça démarre aussi de très bonnes conversations. Mais si sérieusement, tu parles ça une conversation... Ça démarre de bonnes conversations. Tu parles de ça, toi, ta salière à table? Non, pas vraiment, là. Sérieusement. C'est honnêtement le sujet de conversation que je n'ai jamais. Jamais de la vie. J'ai jamais même pensé à parler de ma salière. À même mon modèle de salière. Je me rappelle les avoir achetés, je me rappelle pas où, quand, pourquoi. C'est une salière, bâtard. Ouais, t'sais? C'est vrai. C'est une salière. C'est vrai. Who cares? Honnêtement. About your saliers. T'sais, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. Ensuite, je pense qu'on s'emportait, là. Oui, je pense que oui. On t'a radio, on s'emportait. On a une montée de lait. On économise 33% maintenant sur... on économise 33%. J'étais en train de lire le titre, ça paraît-tu. c'est un truc, en fait, qui va rendre votre lecteur CD plus utile encore. Tu sais, dans ta voiture. Ah, rappelle-moi pas notre amie Céline Dion. J'ai entendu dire qu'elle a un nouveau chum. Ah oui! C'est dans ta chronique plus tard. Non. Tellement pas vrai. Donc, ta forme de lecteur CD, ça va pas grand-chose des fois. Non, c'est vrai. Et t'as pas de petit rack pour mettre ton téléphone sur ton... C'est bien vrai. On commande avec ça, Dash. Ouais. Ouais. Donc, tu vas pouvoir utiliser ça pour rentrer ça dans ton lecteur CD. Ouh. Et ça va servir de rack pour ton téléphone cellulaire. Ça s'appelle le ExoMount. C'est un adhésif. Donc, c'est une combinaison pare-brise adhésif. C'est ça? Oui, adhésif. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Donc, ça utilise votre lecteur CD pour vous donner une place centrale pour votre téléphone pendant que vous conduisez sans avoir à occuper vos mains. Et une rotation 360 degrés qui vous permet de l'orienter comme vous le voulez. C'est vraiment pas cher, une vingtaine de dollars US, peut-être un petit peu plus, 25 dollars US. Donc, allez voir ça. C'est cool. C'est le très cool. L'ExoMount, j'aime bien. Faut bien que ça serve à quelque chose, ces CD-là. Hein? Ensuite, hey, ça m'intrigue là, au plus haut point. Est-ce que t'aimerais ça savoir ce qui s'en vient dans ton courrier avant même d'arriver à ta boîte aux lettres? Clairement. Tu sais, tu veux pas avoir ça. Tu sais, un message de M. le maire ou un message du gars du NPD, c'est cool, là. Ouais. Mais tu sais, c'est pas ce que j'attendais. Non, c'est ça. Habituellement, tu sais. Donc, il y a quelques mois, le service postal américain a dit qu'on pouvait envoyer des qu'il pouvait vous envoyer des images de votre courrier physique par courriel avant de livrer le courrier dans votre boîte aux lettres. Donc, quelqu'un s'est inscrit à ce service-là. Et puis, finalement, ça s'est rendu un petit peu plus partout aux États-Unis depuis. Et puis, on dit que tu reçois un Informed Delivery Daily Digest. Donc, c'est un courriel avec des images scannées de ton courrier qui va t'attendre dans ta boîte aux lettres plus tard dans la même journée. Chaque courriel peut recevoir jusqu'à 10 images en noir et blanc. S'il y en a plus que 10, on peut se connecter via ton compte USPS pour voir les images des autres, parce que sinon, ça prendra trop de place dans ta boîte courriel, clairement. Mm-hmm. Il y a aussi une option pour envoyer une alerte au USPS quand tu ne reçois pas une des choses qui sont affichées dans les photos. Donc, si, mettons, il y a une lettre qui t'a été envoyée par courriel, mais que tu ne l'as pas reçue dans la vraie poste, ouais, tu peux leur dire. Ah! C'est super bien fait. Donc, le Informed Delivery Service va inclure des messages du courrier qui est adressé à n'importe quelle personne qui habite à la même adresse et non pas juste aux personnes qui se sont inscrites au service. Donc, mettons, on habite à la même place, moi je m'inscris, mais toi non. Tu vas quand même voir ton courrier sur mon compte parce que c'est l'adresse qui compte. Parfait. Et c'est seulement les lettres et non pas les images de magazines, journaux et paquets. Donc là, tu vois, moi ça vient de me perdre parce que c'était plus pour les paquets que j'aurais aimé ça. Ah, ouais. Mais on dit que les magazines et les catalogues vont être ajoutés plus tard. On parle pas des paquets encore. Ah, OK. Donc, va falloir se regarder le paquet ailleurs. Pas le choix. C'est ça. Informdelivery.usps.com, on parle des États-Unis, bien sûr. Merci d'avoir caché mon gag sur « Va se checker le paquet tout seul ». Ça fait plaisir. C'est le fun. Ensuite... J'ai bien fait ça. Hein? C'est comme un chef. Pareil. Ensuite, on parle du Microbot Push. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais je te le demande, Mathieu. It's a button. C'est un bouton. It's a button. Tu sais quand on dit « Tu appuies sur mes boutons ». Oui. Donc, c'est un bouton robotisé qui peut faire bien des choses pour toi. En fait, c'est un appareil de deuxième génération qui est encore plus durable, plus fait fort, qui s'opère plus silencieusement que l'ancien. Donc, tu peux l'activer. Tu peux le faire activer avec un horaire précis ou sinon, l'activer quand tu appuies dessus. Donc, tu pourrais, par exemple, le brancher par différents systèmes, que ce soit avec un système de reconnaissance vocale ou peu importe. Et tu pourrais partir, mettons, ton café Keurig le matin. Okay. Où tu pourrais, je sais pas, partir ton projecteur dans ta salle de cinéma maison par ce bouton-là. Donc, c'est un bouton qui fonctionne même, on dit, sur les écrans tactiles. Ah, c'est bien. Donc, c'est vraiment cool. Bouton... attends un petit peu. OK, je m'excuse, je me reprends un petit peu. Ce qu'on te vend, c'est pas le bouton en tant que tel, c'est la machine pour appuyer sur le bouton, ce qui est encore plus cool. Ah, OK. C'est un bouton déjà à l'extérieur que tu veux pouvoir faire appuyer sur un horaire ou à distance, c'est là que ça fonctionne. Et ça peut même appuyer sur des boutons tactiles. Voilà, donc je me reprends instantanément. C'est comme ça, ça m'arrive. Ensuite, on parle de campagnes sur Kickstarter, des campagnes de sociofinancement. Et on commence avec le Flipit. Tu connais, j'imagine, que tu as croisé un petit peu notre beau petit gadget Fidget Spinner. Ben oui! Que tu te fais tourner sur le doigt, puis ça pogne en feu, parce que c'est Bluetooth des fois. Pis, hein? C'est vrai, ça pogne en feu? Ceux qui sont Bluetooth, ouais. Non, mon Dieu. Tu le fais tourner trop vite pour calculer ton nombre de tours, puis ça te pogne en feu parce qu'il est. Mais je comprends pas pourquoi les gens ils trippent là-dessus, mais c'est correct qu'on en a déjà discuté. Je comprends pas. J'entends dire que ça prend en feu, surtout quand il est branché. En fait, je crois que c'est juste quand c'est branché sur le courant. Mais bon, donc c'était pas le sujet de ce qu'on parle ici. C'est le Flipit, en fait. C'est deux gadgets de Fidget en même temps. T'as un module avec plusieurs options comme une Switch. T'as sûrement déjà vu le petit cube qu'on voit dans l'image sur assemblagehockey.com, le petit cube avec un bouton pressoir, une petite bille qui tourne, des petits boutons qui montent, qui descendent. Donc, c'est un peu le même principe que ça. Joystick dessus, etc., ouais, etc. Et en plus, c'est un spinner. Mais le spinner est meilleur que les autres spinners parce qu'il y a un aimant qui te permet à le connecter à l'autre jouet dont je viens de parler et faire un double plaisir. OK. Donc, tu as les deux gadgets en même temps qui se collent ensemble par des aimants. Donc, tu pourrais avoir dans tes mains, mettons, le bouton pressoir, un œuf, et en plus faire tourner ton fidget par-dessus et continuer d'activer ton bouton. Ooh. Avec un aimant, c'est les deux en même temps. Je trouve ça vraiment cool quand même. J'aime ça. Tant qu'à avoir ça. Deuxième sociofinancement, c'est le premier bureau collé sur une fenêtre ou une autre surface de vitre, ou peu importe, quelque chose qui peut accepter des ventouses. Donc, c'est un bureau portatif. Donc, mettons, tu n'as pas de bureau assigné ou encore tu veux travailler debout. Mm-hmm. Donc, tu prends ton Desk View et tu l'installes sur le mur. Ça mesure 25 par 15 pouces. Tu l'attaches à une fenêtre ou à une surface verticale. La suction peut tenir jusqu'à 120 livres. Donc, ton portable de nos jours, 5 livres environ, je sais pas, moins que ça. Pas si pire, hein? C'est quand même pas si pire. Donc, on peut en précommander un Desk View pour $125 US. Ça va être envoyé en novembre 2017. Il nous en reste trois, donc un petit blitz pour terminer. T'as déjà sûrement peut-être remarqué des gens, des cosplayers des fois, qui vont porter une queue de chat, une queue de cheval, peu importe. Hey! On parle pas des cheveux, on parle vraiment en arrière de leur taille. Autour de leur taille. Parce que je pense pas que t'es de derrière de taille. Mais peut-être devant ta taille. Ouais, j'avoue, c'est comme un 360 degrés de taille. Ouais. Bref, on peut acheter une queue de renard portable sur soi-même et en plus contrôlée à distance. Pourquoi pas? Je refuse. Pourquoi pas? C'est disponible en bébé renard, en bébé chat, en bébé loup, en loup original et en chat original, mais pas en renard original, par contre. Non, non, non. Hey, pour combien, Mathieu? Tu veux savoir le prix tout de suite? Là. Ouais. 130 US. Ben, entre 100 et 130, dépendant du modèle. C'est terrible. C'est n'importe quoi. Et en plus, ben c'est ça, c'est qu'à distance, tu peux te faire aller à la queue. Ouais. Tu peux performer 8 mouvements qui peuvent être liés ensemble pour créer 12 patterns, comme on appelle, donc 12 genres de... Ben, je vais utiliser un autre mot en anglais, un template, mais oui. Des étapes, si on veut. Ouais, donc, trembler, peut-être, être heureux, bouger lentement la queue, plus rapidement, érection totale. Hein? Hein? Oui. Bref, il y a plusieurs mouvements. Les petites queues bébés ont juste 4 mouvements. OK. Tu sais, les petites queues bébés, ça prend du temps avant de se former, comme on appelle dans le domaine. On peut changer le dessus, le tissu, les poils de la queue. Si on veut passer d'un renard à un loup, par exemple, tu pourrais... L'intérieur de ta queue est la même affaire. OK. Mais tu changes l'extérieur. Oui. C'est comme un condom. Pareil. On aime ça. 100 à 130 $, c'est sur le site de Foundry, thefoundry.com, F-O-W-N-D-R-Y. C'est comme un genre de jeu de mots que je ne saisis pas. Ensuite, on y va avec un sleeping bag gigantesque qui ressemble, attention, à une crevette. Ah! Oh. À une crevette. Donc, c'est le Fried Shrimp Sleeping Bag, disponible au Japon, évidemment. C'est horrible! Ou via le service White Rabbit Express, un service qui, en fait, vous pouvez vous procurer des articles du Japon et ça les envoie à l'international. Donc, quand vous voyez un article japonais, là, vous pouvez commander ça sur White Rabbit Express. C'est cool. Tu vas avoir une grosse crevette. Donc, c'est ça. C'est comme un habit de mascotte. Là. Si t'avais, mettons, à la place d'avoir les aigles, t'avais les crevettes, ben, tu pourrais avoir ça. C'est... Les shrimp, à vous! Quelle bonne idée! Les shrimp! Et on termine avec des stars solaires. Solar Gaps. C'est cool, ça. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Une énergie que tu gaspilles pendant l'année, l'énergie solaire, quand on s'en sert pas. Vous savez, Tesla qui utilise l'énergie solaire dans plein de choses. Donc, voici les Solar Gaps, Solar Blinds. C'est un peu comme des stars habituels pour empêcher le soleil de rentrer. Sauf que ça va convertir ce soleil bloqué-là en électricité. Donc, ça va payer une bonne partie de votre air climatisé ou encore de votre facture de chauffage. Il y a chaque 10 pieds carrés environ de fenêtres occupées par Solar Gaps peut générer environ entre 100 et 150 watts. Ça va être assez pour faire fonctionner 30 ampoules LED ou encore 3 ordinateurs portables. Les maisons qui ont plusieurs fenêtres, plusieurs espaces de travail avec des vitres mur à mur là, pourraient s'attendre aussi à générer encore plus. Donc, tu sais, dans un bureau où tu as beaucoup de lumière, tu divises toutes tes vitres où il y a des fenêtres, tu remplaces ça par des stars comme ça. Pourquoi pas? Donc, tu peux, c'est ça, économiser jusqu'à 70% d'électricité au total. Il y a un moteur intégré qui permet aux stars de surveiller le soleil. Donc, ça va optimiser la génération de courant pendant la journée avec le soleil en visant comme faux ton star. Et ça peut se brancher dans une prise de courant pour renvoyer l'électricité dans votre maison. Et si votre fournisseur d'électricité, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, j'en ai aucune idée, mais tu sais, au Québec, si tu ramasses de l'énergie, tu peux la renvoyer à une compagnie courant pour pouvoir économiser sur... C'est quoi, ça? Ils payent pour leur donner du courant. C'est pas Hydro-Québec qui fait ça? Je sais pas. Ou le gouvernement du Québec? C'est possible, j'ai aucune idée, mais le principe fonctionne avec ça. Donc, si tu fais du profit avec ça, tu peux... du profit d'énergie, tu renvoies à la compagnie de courant pour avoir du profit financier. Donc ça coûte 390 $ US sur le site de Kickstarter. Donc ça s'appelle Solar Gaps Solar Blinds et je trouve que l'idée est vraiment très bonne. J'aime beaucoup. Voilà. Tu sais à quel moment de la journée il n'y a pas de soleil, Tania? C'est à minuit. Ah! Donc voici Das Mortal et Midnight Rendezvous tout de suite à Assemblage Requis sur C'est Fou 89 FM. Voilà. Hein? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le rappeler? Ben, tu sais, c'est vous quelqu'un d'autre qui le savent pas. C'est ça. I'm getting ready to go out. Das Mortal et Midnight Rendezvous, assemblage requis. Au retour de la pause, ça va être au tour de Tania. Oui! Et tu parles de quoi au retour? De piqûres de moustiques. Oh, ben Colin, ça me donne les piqûres! Oh! Et ouais, hey boy. Non, je vais pas lancer le truc de pause. Hein, ouais, non, ça, c'est vrai. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de pile. Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 17 juillet 2017. Et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. Maintenant, je pense que c'est le moment de faire des babababababububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Tanya's gonna entertain ya. C'était une petite Tanya qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tanya. And she's gonna do the She's gonna do the hey, c'est aucunement sérieux ça. Non, je sais, ça n'a pas d'allure. Le show complet n'a pas d'allure aujourd'hui. Aucun sens. Premier sujet dans ta chronique, t'en as deux aujourd'hui. Oui, exactement. On parle des moustiques aujourd'hui parce que... Le baseball, ça, je pense. Non, ça, même pas. Je suis allée rendre visite à ma tante, en fait, qui a décidé de se faire un deck, un patio extérieur. C'est sûr que si tu visites ta tante, puis ta tante, c'est une tante, il y a des ours puis des moustiques dans le bois. C'est ça, exactement. Je me suis fait manger, là, à grandeur. Présentement, là, je porte des pantalons parce que c'est impossible de pouvoir regarder mes jambes sans avoir le cœur qui lève, tellement j'ai des piqûres de moustiques sur mais mes jambes. Mais pas du fond de teint puis du cachet sur tes jambes. Mais non, pas vraiment. C'est pas quelque chose à laquelle je pense. Puis je me gratte tellement que c'est tellement rouge. Donc, j'ai opté pour les pantalons. Mais j'ai décidé de vous en parler, en fait, parce que là, c'est bien beau avoir des piqûres de moustiques puis dire « gratte-toi pas ». Mais à un certain moment, tu veux te gratter. Pas choix. Tu te demandes aussi pourquoi ça pique. Ouais. Pourquoi ça gratte? C'est bien beau le conseil de te frapper le bras pour voir. Vous, ça marche pas partout, ça. Hey. Franchement. Voyons. On peut-tu mettre ça au clair? C'est non? Non. Non. Non. Ça marche pas. J'aime mieux me gratter jusqu'au sang vif que de me taper dessus. Mais il faut déjà à la base comprendre pourquoi est-ce que ça pique. Oui. Parce que des piqûres de moustiques, contrairement à certains autres insectes, apparemment, à certains autres insectes. Certains autres, oui. Je t'aurais pas repris, mais ouais, non, mais c'est bien. Ça, hein? Ça brûle pas. Ça fait juste piquer. Ah. Et il y en a d'autres, par exemple, les brûlots. Ben ça va vraiment brûler parce qu'ils t'arrachent une partie de la peau. Ah, ouais. Ouais. Tandis que les moustiques, en fait, eh bien, c'est la femelle, la plupart du temps, qui va te piquer et non pas l'homme moustique. Ah, oh, ouais. Wow. Ouais. Donc, pour ceux qui se font piquer, là, c'est parce que les femmes sont en manque de sang chez les moustiques. Et les commentaires sexistes. Mais là. Non, mais c'est vrai. C'est parce que la femme moustique, en fait, lorsqu'elle te pique. La femme moustique. Oui. Prochain film de Marvel. Mais la femelle moustique, là, en fait. Bien, elle va chercher du sang. Donc, c'est ça qui fait que ça pique parce qu'elle injecte à ce moment-là de la salive et ça va injecter aussi. Une espèce d'anticoagulant dans cette salive-là et ça neutralise nos plaquettes justement pour que le sang reste liquide et que ça bouge pas la trompe de l'insecte pendant qu'elle l'inspire. Ah. Et c'est ce produit-là, en fait, qui provoque une réaction qui est quasi immédiate, on va se le dire, des piqûres que t'as sur toi et ça fait en sorte que les cellules qui sont spécialisées, qui sont situées dans la couche inférieure de la peau font comme je tripe pas. Donc, ça se met à piquer de façon incroyable. Mais comme je le disais, c'est contrairement aux autres insectes, c'est pas une brûlure qu'on va ressentir, c'est vraiment un picotement. Ouais. Tu veux te gratter, tu veux te frapper, tu veux faire... Je suis en parler puis j'ai envie de me gratter. C'est sûrement comme ça pour vous aussi. Il y a la même... Oui, mais ça provoque aussi une réaction au niveau des neurones. Sachons-le, parce que ça sécrète de l'histamine, donc c'est un neuromédiateur qui est responsable de la démangeaison qui est désagréable. Donc en fait, quand tu te fais... Quand tu te fais piquer, cette espèce d'anticoagulant-là contient ce neuromédiateur-là qui va se rendre à ton cerveau puis va te dire « Ha, ha, ha, ça pique! » Oui, oui, histamine, tu l'as dit, parce que tu as dit l'histamine, ça a l'air d'un rince-bouche, mais histamine avec un L apostrophe en avant. C'est ça. C'est la même chose que dans, en fait, les antihistaminiques, les pilules pour allergies comme du Claritin. Exactement. Tu vas peut-être y arriver, mais ça a un lien avec ça. On parle de 30 à 60 secondes pour que ça commence à piquer. Ouais. Donc, c'est vraiment très peu. Et souvent, il y en a qui vont peut-être le sentir selon la vitesse à laquelle le moustique va aspirer le sang. Donc, des fois, tu vas sentir le moustique. Oui, puis là, être en train ta main fait claque sur ton bras. Exactement. C'est comme un réflexe. C'est un réflexe où tu le pitches, là, tu le pichenottes. Oui. Mais. Oh. Ouais, t'as entendu? Oui. Mais c'est parce qu'elle aspire plus rapidement le sang. Ah. Et c'est ça qui fait en sorte que ta réaction est plus rapide pour la sentir. Wow. C'est fou quand même, hein? Je savais pas ça. Ben non. J'ai su plein de choses en faisant mes petites recherches sur les moustiques. Mais il y a des manières quand même d'arrêter les fameuses démangeaisons. Oh, sachons-le. On arrive au vif du sujet. Oh que oui. Le premier, en fait, lorsqu'on se fait piquer, c'est que du moment que les piqûres commencent à apparaître, on devrait avoir le réflexe le plus tôt possible d'essayer de réduire les démangeaisons qui sont bien évidemment éventuelles et de traiter la zone des piqûres. Quand on dit la traiter dès que ça apparaît, c'est qu'on parle de la nettoyer avec de l'alcool à 90 % et des lingettes imbibées ou encore de l'eau et du savon. Ah, simple comme ça. Oui, parce que pour les personnes en fait qui ont des réactions graves aux piqûres et qui présentent des symptômes qui sont quand même assez similaires à la varicelle, là, il y en a qui vont se faire piquer puis ils sont proches de l'allergie là, ouais, au niveau de cette piqûre-là. C'est à cause de l'anticoagulant que le moustique va vous mettre dans la peau et c'est ça qui va faire une réaction qui va avoir l'espèce de ressemblance à l'allergie. Ouais. Et lorsqu'on va aller la laver avec de l'eau puis du savon, c'est qu'on va venir diminuer l'anticoagulant qui vient tout juste de rentrer dans notre peau. Ah, oui. Donc, ça va diminuer l'effet que la piqûre va bomber, déjà en partant, et ça va beaucoup moins gratter parce que l'anticoagulant va être dilué. Ouais. Là, tu peux pas faire comme avec un serpent puis tu sucer le bras. Là, pour un... Non. C'est, faites pas ça. C'est pas recommandé. C'est ça. Faites pas ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut pas faire ça. C'est sûr qu'il y a le fameux truc des démangeaisons qui se vendent en pharmacie. Des petites crèmes qui la calamine, ce genre de choses-là. Mais il y en a d'autres qu'on peut utiliser qui sont quand même assez comme quasi des trucs de grand-mère. En fait, le premier que je veux vous montrer, c'est qu'on peut utiliser des aliments. Parle avec un genre, oui, on met des aliments. Non? Non. Non, OK. On peut utiliser des aliments pour réduire la démangeaison des piqûres. J'ai fait la recherche à savoir si on pouvait complètement faire disparaître une piqûre et malheureusement, c'est impossible. OK. Il faut vraiment que ça laisse son temps. Ça va faire une espèce de bourgeon, en fait, à l'intérieur de la peau. Ça fait comme une espèce de bouton. Et ce bouton-là a une durée de vie. Malgré le fait qu'on aimerait ça parfois ne pas avoir de bouton, on peut essayer de les camoufler. Mais le plus vite qu'on va les traiter, que ce soit avec, par exemple, la crème, qu'on va traiter la démangeaison, surtout, le plus vite qu'ils vont disparaître. Sachez-le. Pour ceux qui se disent « Ah non, moi, de la calamine puis tout ça, là, je mets pas ça sur mes piqûres, je le laisse aller », sachez que vos piqûres restent beaucoup plus longtemps et il va y avoir une démangeaison qui va être beaucoup plus longue que quelqu'un qui va en prendre soin. Donc, je parlais des aliments. On peut utiliser du citron ou encore de la lime parce qu'on va les découper en morceaux. On va les frotter doucement sur la zone qui va y avoir des piqûres. Donc, si vous avez des piqûres à grandeur du corps, prenez-vous un gros citron. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est presser juste un petit peu de jus de citron sur une ouate. Okay. Puis de venir tapoter selon la grosseur de votre piqûre, bien évidemment. Et l'acide citrique qui se retrouve dans ces aliments-là, ça va aider à soulager la démangeaison. C'est un petit peu parce que, justement, le niveau d'acide est très élevé dans un citron et une lime. Mais ça va venir neutraliser un petit peu votre sang. Sensation quasi de brûlure, mais on se rappelle que tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas une brûlure en tant que telle, mais ce besoin-là là, de se gratter là, qui devient quasi vital dans les premières minutes, bien, ça va venir le calmer, ça. Mais là, fais attention, quand tu mets ton citron, mets pas le sel de céleri, puis non, c'est ça, là, puis la vodka, puis non, exactement, oublié. Le jus de tomate. Shooter de tequila, là, c'est pas si piqueux de moustique. Vous pouvez aussi utiliser des flocons d'avoine. Hein? Comme les flocons d'avoine, on s'entend, là, prenez pas le gruau ou qu'il y a déjà l'assaisonnement. c'est ça. Mais les flocons d'avoine, c'est connu pour des propriétés qui sont déjà anti-démangeaison. Donc, c'est pourquoi on va essayer de le préparer, une espèce de pâte. Donc, on va le mélanger avec un petit peu d'eau. On va essayer de faire en sorte que ça soit quand même un petit peu homogène, comme ils disent, et on va venir appliquer ça sur les piqûres. Hein? Encore une fois, je vous disais, tu sais, c'est le fun d'avoir une piqûre sur la main puis de dire que tu vas t'appliquer de l'avoine, mais si t'en as vraiment partout sous le corps parce que t'es allé passer une semaine dans le bois puis que t'as pas amené de chasse moustique, ça se peut que t'aies l'air fou, sors pas de chez vous, tu sais. Peux-tu servir du petit dinosaure qui grandit dans l'eau chaude? Ah, peut-être. Dans le griot, des fois, non? Tu pourrais essayer. Précise. Oui, c'est ça. Donc, vous allez faire sécher la pâte et par la suite, vous allez rincer votre corps. Donc, c'est comme ça que vous allez avoir la propriété d'antidémangeaison pour l'avoine. Il y a aussi, je ne sais pas si tu connais déjà en partant, l'attendrisseur à viande. Et non pas la petite machette, là. Pas la machette avec des petits pics dessus? Non, c'est ça. Je te parle vraiment, là, d'une espèce de pâte, ça ressemble quasiment à un assaisonnement. Ah. Ça se vend en épicerie et on va la mélanger avec un petit peu d'eau. Avant de venir l'appliquer sur les piqûres, on va la laisser sécher et encore une fois, on va rincer à l'eau. Et ça devrait enlever les démangeaisons de piqûres de moustiques. Wow! C'est fou, je ne savais pas. On peut aussi utiliser du miel sur les piqûres. Ah. Donc, ça permet en fait d'apaiser la zone qui va être affectée. C'est aussi hydratant pour la peau, sachez-le. Vous allez sentir bon aussi. Et ça va soulager clairement le niveau de démangeaison beaucoup. Ils mettent ça quasiment sur le même niveau d'égalité que le citron. Donc, tantôt, on disait que l'acide citrique va venir neutraliser les démangeaisons. C'est un petit peu la même chose avec le miel. C'est au même niveau. Tout à l'heure, on parlait de citron, de lime et tout ça. Et Mathieu, je ne sais pas si tu connais le vinaigre de cidre de pomme. Oui. Mais le vinaigre de cidre de pomme, je pense que c'est le liquide que tout le monde peut utiliser pour faire tout dans la vie. C'est comme magique, hein? C'est comme, tu veux maigrir, bois du vinaigre de cidre de pomme. Tu veux déboucher des tuyaux, mets du vinaigre de cidre de pomme. Mais c'est jamais bon. Non, c'est goûte-le. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Mais au moins, t'as pas à te le mettre dans la bouche. C'est ça. Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez tremper un morceau de coton, donc une ouate, dans du vinaigre de cidre et vous allez quand même là, l'imbiber pour que ça coule par terre, mais pour que toute la petite ouate soit bien imbibée et vous allez venir la poser sur les piqûres. Vous allez laisser agir ça pendant quelques minutes et ça devrait soulager la douleur et la démangeaison. Mmh. Parce que des fois, plus tu grattes, plus tu... Tu sais, ça devient sensible comme coin. Ça devient bombé. Là, tu fais « Oh, j'ai mal, mais faut que je me gratte. » Tu le regrettes, mais en même temps, tu continues. Exactement. Vous pouvez aussi faire une pâte avec le vinaigre de cidre de pomme et de la farine. Donc, vous allez faire un petit peu comme avec l'avoine. Vous allez venir étendre ça par la suite. Vous allez faire sécher. Ça va sécher la piqûre en plus de soulager les démangeaisons. Donc, le vinaigre va venir faire en sorte qu'il va y avoir une espèce de diminution de votre piqûre en termes de... d'ampleur. Oui, c'est ça. En termes d'ampleur, là, ça va diminuer l'ampleur la de ce que vous avez. La superficie, disons. Exactement, la superficie. Tu peux le faire gratiner aussi au four, ton bras. Tu peux essayer avec ça. Avec la farine. Puis exactement. Un petit peu de beurre. Ça serait drôle, hein? Ouais. Évidemment, le bon vieux truc du bicarbonate de soude, on parlait de la calamine, c'est un petit peu la même chose, de prendre un bain avec du bicarbonate de soude. Ça va faire en sorte que vous allez clairement enlever la démangeaison au niveau de votre peau. Et si vous en avez beaucoup, tout à l'heure, on parlait d'une semaine dans le bois, là, bien c'est vraiment le meilleur truc que je pourrais vous donner si vous en avez à grandeur, c'est de prendre un bain avec de l'eau très chaude en passant et vous allez venir mettre du bicarbonate de soude. Vous vous laissez tremper là, là-dedans pendant quasiment... là, un bon une demi-heure, ça fait-tu une des heure. Bulles avec du bicarbonate de soude, il me semble? C'est non, parce que c'est pas du vinaigre. Ah, okay. C'est pas du vinaigre, c'est de l'eau. Et ça va faire une situation, ça va former en fait quelque chose qui va être alcaline, donc ça va venir soulager les piqûres, ça va venir soulager la démangeaison. Ça se peut qu'après vous vous sentiez un petit peu sec. OK? Ça arrive. Ouais. Vous avez juste à mettre un petit peu de lotion, mais sans parfum, parce que vous avez des piqûres, ben sachez-le. Oui. Donc, on ne veut pas aller mettre quelque chose avec du parfum là-dessus pour pas que ça soit pire en termes de démangeaison. Pas fort. C'est ça. Pour ceux qui ne veulent pas mettre quelque chose ou qui n'ont pas accès à quelque chose tout de suite, eh bien, sachez que vous pouvez utiliser la pression, juste de mettre de la pression et non pas se gratter. Là. Il faut vraiment faire la différence. On parle de mettre de la pression autour de la piqûre pour que ton cerveau réalise que c'est pas la piqûre qui fait mal, mais c'est ce qu'il y a autour. Ah. Donc, tu vas essayer d'en fait de jouer un tour à ton cerveau. C'est un petit peu la même chose quand on dit « tape-toi ». Oui. Parce que ça pique. Tu peux te piquer ailleurs que sur ta piqûre parce que ça va venir jouer dans les neurones. Ça va faire en sorte que ton cerveau va être comme un petit peu menti à ce niveau-là et ça va faire en sorte que ça va aller apaiser le mal ailleurs. Oui. On peut utiliser l'ongle de nos doigts. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que vous allez essayer d'appuyer l'ongle tout autour de la piqûre. Vous allez essayer de faire comme une espèce de barrière avec votre ongle. Des marques, comme quand quelqu'un te met son ongle. Exactement. Ouais. Parce que sachez qu'une piqûre d'insecte, en fait, c'est comme un bouton, puis à un certain moment, il va éclater. Hein? Ouais. Donc, à l'intérieur de la peau, quand elle a sucé le sang, là, ça fait comme une espèce de bulle. Mm-hmm. Mais l'anticoagulant, il est dedans. Okay. Puis à un certain moment, ça va éclater. C'est ça qui va faire en sorte que la démangeaison va commencer de façon Tu dis ça aux jeunes, puis ils vont avoir envie de passer une aiguille sur une flamme puis se piquer le bouton, non? Ben, faites pas ça. Non. Mais vous faites aussi ce que vous faites faire. Et apparemment que ça fonctionne parce que j'ai posé la question à Facebook aujourd'hui. Ah. Quels étaient les trucs de grand-mère contre les piqûres d'insectes qui pouvaient peut-être parfois changer l'afterbite là, qu'on peut aller chercher à la pharmacie? Et j'ai eu la réponse « Trace un X » avec ton ongle sur la piqûre. Okay. En fait, ça permet de disperser les protéines qui se retrouvent déjà dans ta peau et ça va soulager les démangeaisons pendant un bon moment. C'est une bonne idée, ce truc-là. Ça pousse vers les extérieurs. Exactement, ça va pousser vers l'extérieur. C'est quelque chose que je connaissais pas et que je me suis dit, mon Dieu, c'est une bonne idée. À essayer, tu perds rien. Hein? Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas pire quand même. Il y a un autre truc. Là, sachez-le, si vous en avez à grandeur du corps, faites pas ça. OK? Mais vous pouvez dessiner autour de la piqûre avec un stylo bille. Hein? Oui. C'est parce qu'en fait, vous allez mettre de la pression sur la peau autour de la piqûre, comme par exemple avec un stylo bille, et ça va faire en sorte que vous allez oublier la douleur et vous allez créer une distraction. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que vous allez pouvoir voir jusqu'à quel point ça s'étend en termes de piqûres, parce qu'il y en a qui ont des réactions aux piqûres d'insectes. Et ça fait en sorte que tu te dis, hey, j'ai-tu une allergie ou si ça s'en vient vraiment de plus en plus gros, je pense que je vais appeler le 811. Ouais. Donc, c'est le truc qui donne déjà en partant au 811 lorsque tu appelles parce que c'est gros et tout ça. On dit de faire un cercle autour. Et il y a certaines personnes qui ont déclaré que ça les aide à soulager la douleur qui a été provoquée par les démangeaisons. Donc, ce qu'on fait, c'est comme tout à l'heure, je disais qu'on pouvait entourer la piqûre avec notre ongle, faire une espèce de barrière. Mais là, on va venir la faire avec un stylo bille. Quelle couleur? C'est toi qui choisis. Ah, OK. Au goût? C'est ça. Mais comme je te disais tout à l'heure, si t'en as à grandeur de la peau, ça se peut que t'aies l'air d'une toile de Picasso. Là, je me demande, question comme ça vraiment niaiseuse, mais mettons, là, tu vas te faire tatouer à un endroit où tu t'adonnes à avoir une piqûre. Hein? Est-ce qu'ils vont te refuser? Est-ce que, non? Est-ce que ça va faire que tu vas être tout le temps... Non, parce que ta peau va rester la même. Ouais. Parce que c'est dans le derme. C'est ça. Ah. On se rappelle que t'as fait une chronique sur les tatouages. Exactement. Il y a quelques semaines. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? On parle d'Afterbite. Oui. J'ai posé la question à Internet. Et j'ai pour vous des trucs que vous pouvez faire chez vous, dans votre cuisine, pour soulager en termes de quasi-lotion. Vous allez voir. Le premier, c'est un anti-moustique à base de clous de girofle. Parce que là, c'est bien le fun de se dire qu'on peut enlever la démangeaison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en truc de grand-mère pour pas avoir de piqûres? Donc, de l'anti-moustique. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on peut créer de l'anti-moustique chez soi? Ah. C'est possible. On peut en avoir à base de clous de girofle, comme je le disais. Donc, c'est un produit qui est très efficace pour faire fuir les moustiques. En fait, vous allez avoir besoin de shampoing pour bébé. Vous allez avoir besoin d'un litre d'eau et de 30 clous de girofle. Et une petite feuille de vigne pour l'assaisonnement. C'est ça, exactement. Vous allez faire une infusion avec l'eau et le clou de girofle. Vous allez filtrer ça et vous allez le verser dans le shampoing jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Okay. Par la suite, vous allez l'appliquer sur les parties où la peau va être à découverte et vous allez être à l'extérieur. Donc, par exemple, les bras, les jambes, puis le visage. Mais moi, je vous dirais de ne pas vous mettre du clou de girofle dans le visage, mais c'est à votre guise. Et ça va être comme un off à bibitte, mais fait maison. Fait que tu pourrais appeler ça un girofle. Oui. OFF. Tu pourrais. Ouais. C'est le fun, hein? Tu peux aussi ne pas. Tu peux aussi ne pas le faire. Ouais. C'est bien. Tu peux en faire un à base d'amandes. Donc, c'est un des plus doux, sachez-le. C'est un qui va être recommandé surtout pour les enfants et les bébés aussi. Parce que c'est doux, mais c'est très efficace. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 100 ml d'huile d'amande douce, vous allez prendre 20 gouttes d'essence de géranium et 20 gouttes d'essence de basilic. Vous allez mélanger tout ça ensemble. Vous allez le mettre dans un petit une bouteille à spray. Exactement. Un vaporisateur. Et vous allez vaporiser ça sur le corps. Mm-hmm. Et sur le corps de l'enfant, parce que comme je le disais, c'est assez doux pour que les enfants ne soient pas agressés par tout ça. Et apparemment que l'essence de basilic, ça fait fuir les moustiques. Wow! Donc, c'est un conseil qu'on donne aux gens. Sachez-le, si, par exemple, vous voulez aller sur la terrasse le soir, mais plantez du basilic tout le tour de votre terrasse. Ça va garder les moustiques à l'extérieur de votre terrasse. Vous pouvez aussi poser des feuilles de menthe. Donc, un petit peu partout, dans le patio, par exemple, ou dans le jardin, ou encore à l'intérieur de la maison, vous allez les écraser. Vous allez ajouter quelques gouttes d'eau pour que ça dégage plus d'odeur et ça agresse les moustiques. Ils n'aiment pas l'odeur de la menthe, ils n'aiment pas l'odeur du basilic frais. Ils n'ont pas de goût, ça. Mais je sais, hein? Puis y a-t-il quelque chose de plus fun que de cultiver du basilic frais chez vous? Donc, vous allez les placer, par exemple, vous faites placer les pots de basilic frais dans les chambres pour que les moustiques ne rentrent pas. Vous pouvez aussi mettre ça, comme je le disais tout à l'heure, autour de votre patio, même chose. Et c'est une plante aromatique qui déplaît aux insectes et c'est pour ça qu'on l'emploie également comme dans les jardins potagers. Beaucoup, là, ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de basilic parce qu'ils veulent pas que les insectes viennent manger leur potager. C'est pas parce qu'ils trippent sur le basilic. Ah. Peut-être qu'ils aiment ça aussi. Non, c'est vrai. Crème sûre, des fois. Ouais, pas fou, pas fou. Un truc, si jamais vous voulez faire fuir les moustiques, c'est de consommer beaucoup de vitamine C. Ah. C'est un très grand nombre, par exemple, de vitamine C chaque jour. Donc, si vous vivez à l'air libre, là, vous êtes genre à tout le temps aller en randonnée ou peu importe, bien, c'est la vitamine C, c'est une vitamine qui est soluble et qui ne s'accumule pas dans le corps. Elle s'évapore un petit peu. Donc, plus vous allez transpirer, plus les insectes vont détester votre sueur à cause de la vitamine C. Wow, ça me surprend parce qu'en tant que tel, je suis quelqu'un qui sue beaucoup. Hein? Mm-hmm. J'ai pas de problème avec les moustiques. Ouais, mais tu consommes peut-être pas assez de vitamine C. Ah, peut-être que j'ai une déficience. Peut-être. Ça, tout le monde le dit, mais en vitamine C en plus. Wow. Hey, hein? Mmh. Hein? Fais attention, je vais prendre mes petites pierres à feu. Non, c'est pas des vitamines C, ça. Les pierres à feu, c'est des multivitamines. Les petites. Ben, il me semble que oui, c'était des multivitamines quand on était jeune. Ouais, c'est ça. Fait que ça devrait rester des multivitamines. C'était bon, ça. C'est vrai. Il y a des huiles essentielles qui peuvent vous servir comme anti-moustique, sachez-le. On parle de l'huile de ricin, l'huile de romarin, l'huile de pin, l'huile de verveine, le clou de girofle et de géranium et de l'huile de cèdre. Donc, si jamais vous dites « Ah, moi, j'aime pas l'odeur du clou de girofle », vous avez quand même une bonne quantité d'huile essentielle que vous pouvez placer un petit peu partout dans votre maison, près des fenêtres surtout, ou des portes patios, ou encore dehors à l'extérieur, là, souvent les patios qui vont être en bois. Mais essayez de les mettre un petit peu d'huile essentielle sur votre bois de patio, voir, et ça va éloigner les moustiques. Wow! Pas de patchouli là-dedans? Pas de patchouli, je suis désolée, c'est pas au menu. Dommage. Ça sent quoi du patchouli? Je sais pas. C'est là à décrire. Ça, c'est pas comme des vieux livres. Patchouli, fond de sous-sol. Patchouli, fond de sous-sol. C'est pas une espèce d'amas de fleurs, ça, du patchouli? On va aller voir. On va aller voir. Une plante tropicale de la famille des Lamiacées. C'est utilisé surtout en parfumerie et en cosmétologie. Le patchouli est une herbe aromatique pouvant dépasser un mètre de haut. C'est un anti-inflammatoire puissant, savais-tu ça? Ah non, je savais pas. Et ça dit que c'est une odeur puissante, à la fois boisée, terreuse et sèche, avec des accents fumés, camphrés, licoreux et même moisis. Wow! Tu sais, dans le temps, là, t'allais dans les parties de Noël, puis il y avait un petit pot de patchouli sur le dessus de la toilette. Ouais, ma tante Pat Julie. Ah! Patricia Julie, de son prénom. Hey, mes parents ont eu ça longtemps. Ah ouais? Salutations à mes parents qui ont eu du patchouli sur le dessus de la toilette. Yeah. Ah, ça puait. C'est parce que ça sent fort. Fait que ça éloigne les autres. Mais pas les insectes. C'est ça. Mais pas les insectes. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Une autre chronique tantôt. Oui. Ça va être le fun. Oui. Oui, rappelle-nous de quoi tu nous parles tantôt. Hey, je vous parle de sport extérieur. Ouh! Je vous en dis pas plus. Mais pour l'instant, on écoute, tiens, les deux luxes, parce que les insectes, c'est pas mal. Le diable du printemps. Assemblage rookie. Ouh. C'est fou! C'est dans le fun! Enfin. Dans le même registre que je n'entends toujours pas. Entends mon fiel comme une promesse, non pas d'amour mais de détresse. Ma rage est une arme de guerre qui n'attendra pas tes prières. Pour te renvoyer en enfer. Avec Diable du printemps. Au retour, ça va être les instructions d'assemblage. Ouh, c'est là. Ouh, que oui! Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? assemblage requis. Toi aujourd'hui, assemblage requis. Toujours dans l'assemblage requis avec Tony Baudin. Et Mathieu Plante. Oh, que oui! Ah, quelle belle équipe! Tout à fait. On a plein de choses pour vous d'ici à la fin de l'émission. On va avoir, bien sûr, à la fin, une grosse pointe tendresse. On a dit qu'on allait être tendre ensemble après s'être liché le miel, ses bras tantôt. C'est un peu bizarre dans ta chronique parce que tout avait l'air de quelque chose que tu pouvais comme licher par après. Du citron. Il y a juste toi qui y a passé, je pense. Je pense que oui. Mais je l'ai juste dit quand j'ai parlé de miel. Oui. Bref. C'était tout à fait séduisant tout ça. Oui, c'est ça. Maintenant, on va apprendre à mieux vivre ensemble, pas ensemble toi et moi, mais séparément comme d'habitude. Voici les instructions d'assemblage et ça commence à l'instant. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Les instructions d'assemblage. Que voulez-vous? C'est la chronique où on apprend des petits conseils de vie. On essaie de s'aider les uns les autres. De l'entraide, c'est pas mal la base de la vie. Hein? La race humaine est là pour s'entraider. Oh, en effet. Commençons avec un pot qu'on appelle le Jar of Awesome pour essayer de célébrer les petites victoires. C'est mignon, hein? T'sais, on dit qu'il faut regarder les choses du bon côté pour essayer de cultiver un petit peu sa gratitude, sa reconnaissance. Il n'y a personne qui est parfait pour ça au départ, pour remercier la vie. Mais d'avoir un petit pot de génial, Jar of Awesome, devant toi, ça peut t'encourager. Donc, c'est de Tim Ferriss qu'on retrouve ça. C'est fait pour capturer les moments cool dont tu ne te souviendras pas dans une semaine ou dans quelques mois, peu importe. Donc, lorsque quelque chose de génial t'arrive, peut-être que, je sais pas, tu viens de perdre une taille sur tes jeans, quelque chose comme ça. Ce que je vis, mais à l'envers. vous l'écrivez sur un petit papier. On met ça dans le pot. Donc, l'idée, c'est de continuer de ramasser ça, ces bons petits côtés de la vie-là. Donc, quand t'as besoin de ça, quand tu vis une période difficile, une journée dommage. T'ouvres le pot, tu te piges un petit mot dedans. Tu fais comment c'est vrai, t'es cute, ça. J'ai aimé ça, ça. Ouais. Pis ça te remet un petit peu le moral sur le piton de... OK. T'as pas l'air sûr. Non. Moi non plus. Mais on le dit, c'est normal. Vous en faites ce que vous voulez. Exactement. C'est votre vie, après tout. Ensuite, on a le site SiteCop qui te force à tasser les sites distrayants au travail. Est-ce que t'es des fois au travail et puis, Facebook est là. Mais non, voyons. YouTube. Des trucs comme ça. Facebook? Jamais. C'est ta job, par contre, donc t'es supposé y aller, effectivement. Si tu y vas pas, c'est que tu fais pas ta job. J'y vais. Je suis toujours sur Facebook. J'ai tout le temps mon Facebook ouvert. C'est ça. T'es disponible. Mais je suis pas tout le temps, c'est ça. Exact. Donc, si t'as besoin d'aide pour ne pas aller sur ces sites-là, quelconque site sur Internet, vous avez SiteCop, qui est une petite extension qui va dans Google Chrome. Une fois installée, vous lui dites pendant combien de temps vous gardez focusé et vous lui donnez les adresses web ou des mots-clés à bloquer. Tu pourrais bloquer au complet les MPEG, les vidéos, les MP3, peu importe. Donc, SiteCop, c'est simple, c'est gratuit. Ils acceptent les dons, bien sûr, pour garder le projet à jour. Et puis, ben c'est ça. Tout ce que t'as à faire, c'est lui dire quoi faire. Puis après ça, ben il t'achète plus. Ah, oh, mon Dieu, puis toi, mais c'est bien. Puis t'achètes plus Internet. Puis tu t'achètes plus... tu fais ta job. C'est ça. Mais tu peux même choisir plusieurs heures spécifiques lorsqu'il a de, pour lui dire quand être actif, quand ne pas être actif. Donc voilà, des moments spécifiques de la journée qui pourraient revenir à chaque jour, tu comprends. Ensuite, on essaie de débarrasser un petit peu la maison, de faire un ménage, tu sais... Je dirais un petit clean-up. Tu sais, se débarrasser des trucs que t'as plus besoin. Ouais. Des vieilles affaires, là. On garde tous des affaires qu'on devrait pas garder. Ça m'arrive, je suis un gardeur, peut-être pas autant que les hoarders qui jouent à peu importe la chaîne, là. Kaza et compagnie et moi Ben là, ça dépend. Et Davy. Kaza, c'est pas mal plus des affaires de construction. Kaza, il y a des affaires de cuisine aussi, des affaires c'est vrai. Vie de tous les jours. T'as bien raison. C'est quoi la différence? Dis-moi la différence entre Canal Vie, moi et compagnie et Kaza. Kaza, c'est souvent plus américain. OK. Canal Vie, c'est pas mal plus québécois. OK. Puis je pense que Canal Vie, c'est plus centré sur la femme au départ, puis par la suite, ils ont créé Moi et compagnie. C'est un bon point. Moi, j'aurais aussi répondu que Casa et moi et compagnie, c'est les deux TVA. Fait mm-hmm. qu'ils essaient de faire un complément et non pas se faire compétition. Tu vois, Jean? T'as bien raison. Donc, on essaie de rendre notre maison un petit peu plus propre, avec moins de déchets, de trucs partout là, qui vous appartiennent, mais que vous savez pas quoi faire avec. On appelle ça une limbo box, un petit peu comme le pot de tantôt, le Jar of Awesome, que t'as tellement aimé. La chaîne YouTube Clean My Space et son animatrice Melissa Maker. Mm-hmm. C'est bizarre parce qu'elle s'appelle Melissa Fabricante. Mais bon. C'est peut-être un pseudonyme. Peut-être. Je dis ça comme ça, là. Donc, elle dit de prendre les choses auxquelles t'es attaché, les mettre dans une boîte et les cacher comme si t'allais te débarrasser d'eux autres. T'es mets dans le garde-robe, tiens. Mais pourquoi? Tu les gardes loin de toi et tu peux même les mettre chez quelqu'un d'autre. Et si le temps passe et que tu réalises que tu peux vivre sans ces affaires-là, ben, ça va être plus facile pour toi de dire au revoir. Tu pourrais même complètement l'oublier. Tu peux mettre en storage quelque tu part. Tu peux faire ça avec ton chum, genre? Boy, les détails de vie que je m'attendais pas à voir ça. Non, mais tu sais, c'est parce que de la façon que ça explique ça, ça fait... oublie tes problèmes, puis si t'es correct avec ça, c'est parce que... Mais pas. J'avoue, si tu prends une pause dans ton couple puis que tu t'ennuies pas de la personne, c'est que tu devrais pas être en couple avec. Exactement. Absolument, voilà. Donc, vous pourriez après ça peut-être vous rappeler d'une ou deux choses et puis les récupérer de la boîte et vous débarrasser du reste, les vendre, peu importe, vendre le garage... On s'en fout. Kijiji, n'importe quoi. Ah oui, bonne idée, ça. Ensuite, une calculatrice qui te montre les... Ah, ça, j'haïs ça, par contre. Je lis cet article-là, le titre, et je me dis, faudrait pas que je fasse ça. Ça me ferait déprimer, ben raide. Mais bon, donc, je vous en parle. Vous me direz ce que vous en pensez, toi aussi, Tania. Donc, la calculatrice qui vous montre le nombre d'heures que ça prendrait pour faire un gros achat. Non, non. Donc, tu donnes ton salaire brut. Non. Ouais, je sais. Tu sais, quand tu dis, bon, j'achète une nouvelle TV, mais ça m'a coûté... T'sais, ouais. C'est ça. X heures de travail. C'est le site de finances personnelles Frugal Fringe qui nous a dit de faire ça. En fait, c'est une petite feuille de calcul, tout ce qui est automatisé, là. Une feuille Excel, je crois, peu importe. Mais toutes les petites dépenses que tu fais deviennent grosses. Et à un moment donné, quand tu calcules ça en termes d'heures, ça fait dur. Donc, si on applique un salaire typique américain à un achat de 1500$ US, l'outil pourrait te dire, par exemple, que ça prendrait 135,86 heures pour payer pour. Et là, t'enlèves en plus les heures que tu passes dans ton auto. Ça coûte. Non, je refuse. Je prends pas ça. Désolé. Ça fait pas partie de ma vie quotidienne. C'est une façon de penser que je suis pas sûr d'aimer ça. Je déteste. Vis dans le déni en place. Oui. Ça, je suis bonne pour ça. Moi aussi, Colin. Quel dis-tu? Justement, ça crée de l'anxiété, ça. De vivre dans le déni? Oui, ben non, plus de penser à l'argent, penser à des trucs comme ça. Ça crée de l'anxiété. Est-ce que t'aimerais ça pouvoir calmer ton anxiété? Oui, un petit exercice pour te remettre les pieds sur terre. Tout à fait. Ce qu'on appelle le mindfulness, donc être au courant de ce qui se passe dans ta tête, dans ta vie, dans la nature, la méditation, c'est des façons de combattre l'anxiété, le stress. Ça peut être difficile de mettre ça dans un horaire béton comme notre vie en 2017. Donc, si vous avez besoin d'une façon de calmer votre anxiété et les pensées qui vous amènent à avoir de l'anxiété, on peut essayer ce petit exercice-là, peu importe où nous sommes. Donc, le but est de connecter avec la surface que ton corps touche, selon Rodin Wellness. Donc, si t'es au lit, tu vas toucher au lit, tu vas tenir le lit complètement sur après tes mains, tu vas tenir ton lit, tu vas te sentir en sécurité et comme câliné, si on veut. Si t'es assis, on dit que tu vas remarquer, tu vas être au courant des os de tes fesses assis sur la chaise, dans l'autobus, dans la voiture, peu importe. Et là, tu penses à ça, tu ressens la fondation, qu'est-ce qui te garde sur la terre. Si t'es debout, tu ressens tes pieds dans tes bas et tes bas dans tes souliers. Et tu ressens tes souliers toucher le sol. Quelle grosse bullshit! Ouais, c'est de la bullshit. Mais non, mais moi, je sens mes os de mes fesses à chaque fois que je m'assois quelque part parce que j'ai les os pointus. Je te dirais aussi qu'on a des chaises vraiment pas de qualité. Exactement, aussi, mais tu sais, bon, ça passait inaperçu. Mon coussin s'en vient demain, d'ailleurs. Ah, c'est ça. J'ai hâte d'avoir mon coussin, mais quand même. 3 heures de baseball par soir. Ouais. Bref. Donc, ah ouais, mais je savais pas que c'était ça nécessairement, la méditation, tu vois. Ben, c'est une forme de méditation. OK. C'est une forme de mindfulness, ce qu'on appelle. Donc voilà, faites ça si vous voulez, mais je trouve que ça fait vraiment ésotérique. Peut-être que ça fonctionne, je sais pas, je l'ai pas essayé. Ensuite, essayez-le, puis dites-nous-le. Hein? Oui, faites-le. Tiens, ça, j'aime vraiment ça, cette idée-là. Quand t'achètes des boissons gazeuses, des canettes d'eau pétillante, peu importe, quelque chose qui vient en canette. Là. Mm-hmm. Ça t'arrive d'acheter des canettes dans un petit pack de 12, mettons? Oui. Bon, il y a tout le temps des petits pointillés dans le carton. Oui, ça m'énerve tellement. Moi aussi. Mais quand t'enlèves le carton, ça te fait comme un distributeur de canettes. Oui. Donc là, on y va avec un petit hack de vie, là, un life hack, et on va venir placer nos cannes de soupe pis de bean dans le distributeur à canettes, et puis on va avoir un beau petit rack à cannes de conserve. Tu mets ça dans l'armoire, dans la penderie, dans le... Mais ce qui m'énerve un petit peu avec ce genre d'affaires-là, là, c'est que tout le temps, ça va déchirer. Ça va. Ben, ils ont mis du tape, hein, du duct tape dessus, ça paraît-tu? Exactement. Ouais. My point, right here. Tu sais, c'est pas super beau du après duct tape. Après ça, c'est plus cute, là. Mais si tu le laisses dans la cave, mettons, avec tes canages, tes canettes, tes canages. Mais moi, il laissait de bout de bord. Tu sais, oui. Mais ça prend moins de place, par contre, parce que quand t'empiles les cannes, des fois, ça va tomber. Ouais. Je sais pas. C'est selon Amy Williams de la chaîne HDTV. C'est pareil. Moi aussi. J'ai la difficulté avec la récupération. Ah, oh, ben là, par contre, là, je vais devoir. Non, c'est pas vrai, c'est faux, parce que j'ai pas de difficulté, mais j'ai la difficulté avec le fait que va falloir que je mette du tape comme ça. Ouais, ça sera pas beau. Je suis pas genre à mettre du tape. Ce que j'aime pas tellement, là, pis là, ça va être un commentaire de peut-être une personne qui va se reconnaître, mais peut-être que cette personne-là va pouvoir dire: ah, oh, t'as raison, Mathieu, peut-être que t'apportes un bon point. Des gens qui parlent souvent de recyclage, qui parlent de bon, vider leurs bouteilles, leurs canettes, ouais, les laver, mettre le papier, le compost, peu importe. Mm-hmm. Pis là, t'es vois dans un autre environnement que leur maison, comme mettons, je sais pas, on va dire, mettons, au bureau. Ouais. Mettons, d'une place quelconque, une station de radio. Ouais. Et puis les papiers finissent tout le temps dans la poubelle. Ouais, on n'a pas de panier de recyclage dans le studio. Et des personnes qui prônent le recyclage dans la poubelle. Ça m'irrite un petit peu. C'est assez difficile ici à l'université sur le terrain, ouais, là. C'est la faute, en fait. Des bacs de récupération. Ils sont très loin. Nous, on a ici au bureau, mais bon, ça donne à pas les avoir mis dans le studio. Bref. C'est un petit commentaire comme ça que je disais ça, mais c'est pas pour faire de mal à personne. Mais non, c'est, voyons. C'est mon opinion, voilà. Ensuite, ça, c'est une twist qui pourrait vous aider un petit peu pour recevoir un oui de quelqu'un. OK. Oui, je le veux. T'sais. Faut que tu manipules la personne. Tu peux faire ça si tu veux. C'est pas le conseil c'est ici. C'est pas vrai. Attends-toi à un non. Donc, quand tu. Ah, je fais ça, moi. C'est à ton pire, hein? Oh mon j'fais Dieu. Je fais pareil. Puis c'est drôle parce que je l'ai fait juste depuis quelques années. Ah? On dirait que de. Avant ça, là, j'étais tellement tout le temps trop certaine de moi, ouais, que j'étais persuadée que ça allait tout le temps être oui. Ça reste encore un peu, par contre, hein? Ouais. Ça aussi, je te comprends là-dessus. Ouais. On est vraiment trop similaires là-dessus. Ouais, je sais. Bref, on parle de négociation. La préparation, c'est la clé, tu le sais. Quand t'as une entrevue à aller faire, peu importe. Faut que tu prépares, faut que tu lises 2, 3, 4 fois le document, peu importe, que t'as à donner. Je sais pas. Faut que tu te prépares. Donc, ouais, selon Michael Wheeler, hein? C'est un professeur de l'école Harvard Business School qui enseigne les tactiques de négociation. Il dit que d'avoir des réponses préparées est aussi important que d'avoir une bonne proposition à faire. Donc, il explique à Business Insiders pour avoir... Insider au singulier, pardon. Je cite... Pour recevoir un oui, il faut s'attendre à un non. Donc, liste toutes les raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour lesquelles ton patron pourrait avoir à refuser ta demande. Et ensuite, prépare-toi une très solide réponse à chacun des points négatifs qu'il pourrait avoir envers toi. Tu comprends? Donc, tu t'attends oui à un non, tu te prépares pour les changer en oui. C'est pas fou. C'est pas pire pantoute, hein? Donc, voilà, attendez-vous à un non. Le meilleur pitch possible. Ensuite... C'est pas fou pantoute. Ouais, c'est pas mal un des meilleurs, celui-là, là. Ensuite, est-ce que t'as déjà eu une balle de ping-pong avec une bosse dedans vers l'intérieur? Une balle de ping-pong? On a tous dans la vie eu une balle de ping-pong avec une oui bosse dedans. Il y a personne qui a des balles de ping-pong. Mais ouais, si jamais vous voulez faire sortir la bosse de votre balle de ping-pong, faut la submerger dans de l'eau bouillante. Ah ouais? Ouais. Donc, si t'as ton smash au tennis de table, ping-pong, whatever, est tellement fort que vous faites une bosse dans votre balle, c'est la chaîne YouTube Lifehacker and Experimenter qui nous dit de mettre donc de l'eau sur le rond et de faire chauffer ça. On place, en fait, la balle de ping-pong dans un verre et on verse l'eau bouillante par-dessus la balle de ping-pong et la chaleur va forcer les matériaux à reprendre leur forme. Tu peux ensuite aller chercher la balle avec une fourchette ou une cuillère, une louche ou peu importe, on s'en fout, mais pas vos doigts. Hein? Ouais, non, c'est ça, faites attention. Et si vous avez plusieurs balles à réparer, vous pouvez vous partir un bon petit... comment on appelle ça? Un chaudron? Oui. Profites-en de mettre tes œufs dedans. Pas fou. Faire des œufs à coque. Hein? Bonne idée. Pis si jamais t'as des bosses dans ton char, trempe ton char. Oui. Tu sais, on peut extensionner ce conseil-là à plein, plein d'autres domaines. T'as bien raison. Ensuite, une flowchart. T'aimes ça, toi, les flowcharts? Moi, j'adore les flowcharts. Oui, oui. Tu sais oui ce que c'est? C'est quand tu pars en haut d'une feuille, mettons, d'un mm-hmm poster, d'une affiche, peu importe, et qu'il y a des lignes qui vont vers différentes sections, et puis tu peux, bon, oui, de ce côté-là, ça mène vers ça, non, de l'autre côté, puis ça finit par se rejoindre en bas, quelque part. Donc, on peut pas mal, dans le moment, quand t'es en train d'acheter quelque chose, et j'en suis le premier à le savoir, tu peux pas mal justifier n'importe quel achat dans la vie. Oui, ben oui, tellement. T'as c'est besoin ce que je fais tous les jours. D'une nouvelle cafetière, t'as besoin de soda stream, t'as oui besoin d'un coussin pour la chaise du studio. Il y a toute une raison. Tout le temps. Derrière chacun de ces achats-là, il y a tout un rabais, tu fais tout le temps le shipping gratuit, fait que t'en achètes plus. C'est tout le temps bien justifié. Ah, mais je suis bon là-dedans, tu sais. Bref, on n'est pas super bon pour prendre du recul et se poser la vraie question, comme genre, est-ce que t'en as déjà un? est-ce que tu en as besoin maintenant? Mm-hmm. Donc, tu gaspilles ton argent sur des choses dont tu n'as pas vraiment besoin ou même des choses que tu ne veux pas, dont tu ne te serviras même pas. Hein? Donc, on essaie de résister à des achats impulsifs avec une série de questions dans une flowchart. Donc, c'est pas super pratique d'avoir à suivre ça, mais quand même, on va l'essayer nous-mêmes. D'accord. Donc, est-ce que je devrais acheter ce produit? Nous demande l'affiche. Oui. Première question, et là, ça va être toi qui vas répondre. OK. Je vais pas jouer à mon propre jeu. OK. Bon. Donc, est-ce que tu es... Bon, pense à un achat. Faudrait peut-être commencer par avoir un achat. Ouais, OK. J'en ai une en tête. OK, dis-moi-le. Ah, oh, excuse. Une lampe. Une lampe. Donc, première question, est-ce que tu en as déjà une? Ouais. Oui. Ah, tu vois. Donc, la réponse est ne l'achète pas. Ne l'achète pas, probablement que tu vas être aussi excité. T'es sûrement juste excité à cause de la vente ou du prix ou de l'excitation modèle. Du nouveau, c'est ça. On va répondre non à la place, OK? Est-ce que t'en as déjà une comme celle-là, mettons? Non. On va le dire comme ça, non. Est-ce que t'as regardé ailleurs par rapport au prix, au rabais, là? Il y a une vente, mettons. Oui. T'as regardé ailleurs, oh boy. Oui. Est-ce que t'en as besoin maintenant? Oui. Ouais, elle fait exprès pour répondre oui parce qu'elle a vu le poster. Non, il fait noir chez nous. OK. Est-ce que tu connais quelqu'un de qui tu pourrais emprunter une lampe? Non. Non? OK. Non. OK, là, si tu dis. Est-ce que tu peux l'acheter avec de l'argent physique en papier, pas de crédit? Oui. Oui. Ben, okay. Tu sais, c'est le débit, là, mettons, là. Oui, oui, ton vrai compte, de la vraie argent. Oui, oui, oui. J'avoue que, ouais, débit, c'est j'achète une carte, tout hein. avec ça. Ouais, c'est cool. Est-ce que, là, on te repose la même question. Est-ce que t'en as vraiment besoin maintenant? Oui. Oui? Oui. Bon, OK, ça continue, là. Okay. Si t'avais dit non à une de ces réponses-là, une de ces questions-là, ça t'aurait amené à ne pas l'acheter. Donc, on continue. OK, est-ce que ce magasin-là offre le meilleur deal? Oui. OK. Est-ce que tu peux trouver un coupon pour rajouter par-dessus et faire un plus gros rabais? Oh, je sais pas. Oh, donc tu vas dire non ou oui? Non. Non. OK. Est-ce que tu peux trouver un rabais ou, tu sais, autre chose qu'un coupon, là? Tu sais, un rabais comme dans matcher le prix d'un autre magasin, des trucs comme ça? Oui. Oui, OK. Génial. Et puis, le oui te ramène vers un non. Okay. Non, c'est pas vrai. La flèche est drôlement pointée, là, mais elle te ramène vers le non, puis le non te ramène vers le OK, tu peux l'acheter. C'est terrible. Tu peux l'acheter, mais seulement si t'as répondu correctement à toutes ces questions-là. Okay. C'est comme un roman dont vous êtes le héros, donc t'aurais le droit, avec tes réponses un petit peu trafiquées, t'aurais eu le droit de l'acheter. Merci, c'est gentil. Je t'ai triché pas mal. J'apprécie. Justement, on parlait de carte de crédit il y a quelques secondes à peine, je m'en souviens comme c'était tout à l'heure. On utilise donc notre facture de carte de crédit comme petit réveil, si on veut, pour évaluer nos dépenses. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais fréquemment. Ça m'aide pas pantoute parce que je continue de dépenser, mais bon, c'est un petit exercice à essayer. Prenez votre plus récente facture de carte de crédit. T'sais, je te le conseille, là, tu prends ta plus récente facture de carte de crédit, ouais. De tes cartes de crédit les plus utilisées, t'imprimes ça. C'est une facture électronique, pardon, électrique. Faut que t'as start ouais, avant. Ring, ding, ding, ding, ding. Donc, ta facture électronique, tu l'imprimes. Tu prends un crayon avec, un bout là, que tu peux tenir dans tes mains. Là. Et tu mets la facture devant toi. Maintenant, tu regardes chaque ligne et tu te demandes, tu te poses la question, est-ce que c'était un achat nécessaire? C'est ça, je peux pas faire ça. Moi non plus. Si c'est un achat nécessaire, tu mets un petit plus à côté. Okay. C'est simple. C'est pas nécessairement des achats nécessaires. Honnêtement, ma carte de crédit, je l'utilise en cas d'urgence. Tu fais très bien, mais il n'y a pas juste une question à se poser. Tu pourrais continuer. On va continuer sur la... Okay. Mettons, là, t'as pas fait de plus parce que c'était pas nécessaire. Ben, j'ai acheté Internet, ça a passé sa carte de crédit. OK, fait que c'est nécessaire. Oui. Prochaine question, c'est, est-ce que si cet achat n'était pas nécessaire, est-ce que ça remplit quelque chose dans ta vie dont tu vas te souvenir longtemps, tu vas faire, OK, ça c'est un bon souvenir, comme un voyage ou quelque chose comme ça? Clairement. Est-ce que si cet achat était pas nécessaire, ou est-ce que c'était pas une bonne expérience, là, dans ce cas-là, tu vas mettre un moins. OK. Donc, c'était pas nécessaire et pas utile à ta vie, un là, tu mets moins. Un moins. Si c'était pas nécessaire, mais que t'as rempli quelque chose, il fallait rien mettre. Donc, plus, c'est seulement quand c'était nécessaire. Nécessaire, je vois. Donc, nécessaire, mais le fun et pas nécessaire. On se comprend là-dessus? On comprend. Et maintenant, tu regardes ça et tu vas additionner tous les articles, les lignes qui ont des moins à côté pour voir ça en donne combien de montants en argent physique. Donc, c'est le montant d'argent que tu dépenses sur des choses qui sont oubliables, qui n'étaient pas nécessaires et qui n'ont pas d'impact positif, sur ta vie. Donc, tu vois que le pas de symbole tantôt compte pas. Les bonnes expériences viennent pas compter contre toi. C'est seulement les moins qui comptent. Donc, cet argent-là aurait pu être utilisé pour payer des dettes, pour économiser, pour faire un paiement sur une maison, pour finir de payer ta consolidation de notes pendant 4 ans. Bref, c'est un exercice à faire. Essayez-le. L'article continue pendant des décennies, mais il y a plein de petits détails du genre pour mieux aller financièrement. Oh, C'est bon, c'est exactement. Est-ce que t'as de la difficulté à t'endormir sometimes, once in a while? C'est très rare. Oh, tu t'endors comme une brique? Punk? La plupart du temps, oui. Cool. Si j'ai de la difficulté à m'endormir, j'ai soit bu un café. Ou t'as un gars dans ta chambre. Ou j'ai bu un Red Bull. Ou t'as bu un Red Bull. Donc maintenant... je m'endors pareil. Okay. Tu vas pouvoir t'endormir sinon, le cas échéant, les gens à la maison peut-être, en faisant un décompte à partir de 300, mais en groupe de 3. Tu sais, on dit des fois de compter les moutons. On va faire 1, 2, 3. Je l'ai déjà fait, ça. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Pas du tout. Donc, essaie donc de faire à partir de 300, calculer à l'envers, à coup de 3, voir... Essaie donc voir live là. 297, 294, 294, 291. C'est assez, oh, hein? C'est tout. 288. 285, 282. Quelques instants plus tard. 3, 2, 1. C'est terrible, c'est ça, je m'endors ou je pogne les nerfs. C'est ça. Bref. C'est un des deux. Les stress de la journée, des fois, font que tu ne peux pas t'endormir, t'es trop stressé, c'est passé des choses que t'as pas aimé pendant ta journée, tu remarches ça dans ta tête sans cesse. Donc, c'est une vidéo de Business Insider, c'est une chaîne sur YouTube. C'est le docteur Michael Bruce. Scaramouche. Donc, c'est le docteur du sommeil. Et il est aussi à l'Académie américaine, l'American Academy of Sleep Medicine, qui partage son petit conseil. Donc, il suggère aussi de garder un journal intime de tes stress. Donc, tes soucis, avant de te coucher, tu les écris. Mm-hmm. Comme ça, tu les dompes sur la page et ton cerveau est en théorie vidé un peu, comme une cache d'ordinateur. Donc, Bruce a aussi l'approche de compter à l'envers à partir de 300 en groupe de 3. Donc, un processus quand même assez simple pour ton cerveau qui n'arrivera pas à penser aux autres choses. Tu comprends? Vu que tu vas être en train de penser à ça, tu penseras pas à tes stress. Donc, ça va vous permettre de mieux dormir. Je trouve que ça, c'est un très bon conseil. C'est vrai. Ensuite, on pense à de bonnes habitudes, des habitudes que, mettons, tu veux te remettre en santé un petit peu. Donc, on essaie de voir les habitudes qui sont bonnes pour toi comme des actions par jour pour essayer de les faire coller. D'accord? Okay. Ça a l'air compliqué comme ça. Ouais. Donc, actions per day, en fait, c'est un jeu de mots avec actions per minute. C'est un terme de jeu vidéo qui décrit un nombre surhumain d'actions que les joueurs professionnels de StarCraft utilisent pour se rapprocher de la victoire. Quelque chose comme ça, je suis pas un connaisseur de StarCraft, peu importe. Mm-hmm. Donc ici, on va mesurer les actions qu'on prend par jour qui vont nous amener à être plus en santé. Donc c'est des actions peut-être comme te peser, aller au gym, aller te promener, faire un choix qui est bon pour la santé au restaurant, essayer de la nouvelle nourriture, une nouvelle activité, et tout ça va compter comme une action, tu comprends? Mm-hmm. Donc tu vas te trouver un APD, donc un actions per day, un nombre d'actions par jour pour la semaine. Tu vas te décider un chiffre, un nombre, et tu vas compter tes actions pendant la semaine, et tu vas faire que ton but va être d'augmenter de plus en plus ton nombre d'APD par semaine, un peu comme des, comment on appelle ça, des dumbbells, des lifts, peu importe. Tu vas monter ton nombre que tu as à faire à chaque semaine. Donc, c'est un peu la même chose. Répétition. Jusqu'à temps que ça devienne naturel pour toi. OK. Voilà. Donc, toutes ces actions-là devraient avoir rapport avec ta santé et ton progrès devrait être mesuré sur le nombre d'actions que tu prends pour t'y rendre. Donc, c'est selon Nerd Fitness. J'aille pas ça. C'est quand même bien. Ouais. Que ça, juste aller prendre une marche, là, quelques centaines de pas. Ça change tout. Ça change tout. Ensuite, 4 façons faciles d'empêcher les sacs poubelles de glisser. On change, mais complètement de sujet. Oui, vraiment. Des fois, quand t'as une poubelle dans la cuisine ou peu importe, ton sac est juste assez grand. T'as mis un sac d'épicerie, peut-être qu'il est trop petit pour ta poubelle. Et là, plus tu mets de déchets dedans, plus ton sac finit par rentrer dans la poubelle. Puis là, ben, tu finis par, bon, domper ta bouffe dedans, puis bon, ça a coulé un petit peu à côté. Okay. C'est vrai. Je ramasserai ça plus tard. Donc, les sacs poubelles, c'est pas toujours quelque chose de pratique. Des fois, ça glisse. Et aller plonger dans la poubelle pour le récupérer, c'est plutôt déplaisant. Donc, c'est America's Test Kitchen, voilà, qui nous suggère quelques techniques pour sécuriser, je vais dire ça comme ça, votre sac poubelle. Donc, c'est une petite vidéo sur YouTube qui est sur assemblagerequis.com aussi. C'est une démonstration visuelle de chaque technique. Il y a 4 façons particulièrement pratiques pour empêcher ce scénario tragique qui nous dit lifehacker.com. Donc, on parle de crochet adhésif pour commencer. Si vous utilisez un sac de plastique avec des poignées, achetez-vous des petits crochets de plastique 3M. Il y a ça en magasin tout le temps. Ah oui, c'est vrai. Tu crochets. Tu mets ton sac après ça. C'est pratique. Ça s'attache sur le côté. Tu peux même, je dirais, peut-être même mettre tes deux crochets sur l'extérieur de la poubelle. Comme ça, quand tu le snaps après, il va encore mieux tenir. Ben oui, il va prendre plus sa place. Ensuite, des cordons bungee. Tu sais, les longs cordons élastiques avec des crochets au bout. Là. Donc, tu vas plier l'excès du sac par-dessus le rebord de la poubelle et tu vas venir attacher ton bungee autour. T'as, bien sûr, l'attacher d'une autre façon, là, que ce soit celui-là, c'est de faire un nœud sur le côté. Okay. Avec ça de la poubelle, tu fais un nœud, ça va tenir mieux sur le rebord. Faut que ta poubelle ait un bon rebord quand même, là, mais le nœud va venir tenir sur le côté. Et sinon, t'as des clips pour le pain. Ah, ben, clairement. Ouais, donc tu ramasses le bout de ton sac vers le haut, tu twistes et tu vas venir sécuriser ton attache pain à ton sac. Et une fois que le sac est bien placé, tu vas pouvoir lancer tes affaires dedans sans même y penser. Pas pire, ça, quand même. C'est un petit peu magazine, mais quand même, c'est pas spécial. Ouais. Ensuite, ah tiens, ça c'est le fun, on va essayer de sécuriser notre courrier. Tu sais, le courrier qu'on appelle par la poste, là. Mm-hmm. Le courrier en anglais. Là. Ce courrier qu'on appelle en anglais le snail mail, donc le courrier escargot. Mais de la même façon que la CIA. Okay. On est obsédé par l'encryption de nos jours, nos courriels sont encryptés, on chatte sur Telegram pour s'assurer que le gouvernement américain puisse pas nous espionner. Ben oui. Bref, aux États-Unis. Quand tu demandes, là, on parle vraiment des États-Unis ici, quand tu remplis une demande de droit à l'accès à l'information, Freedom of Information Act aux États-Unis, avec une agence fédérale, ils vont t'envoyer du courrier physique par la poste. Et quand tu reçois une lettre de la CIA, tu vas retrouver quelques technologies anti-espionnage à l'arrière de l'enveloppe. Il y a des photos sur assemblagerequis.com, mais tu peux pas ouvrir l'enveloppe du tout sans que ce soit vraiment clair que tu l'as ouverte. Ouvert, peu importe. Donc, les agences américaines top secret envoient leurs lettres comme ça. C'est vraiment comme un morceau de ruban adhésif sur l'arrière de l'enveloppe et c'est fait de fibres en diagonale, puis à l'horizontale, puis à la verticale, pour que si tu déchires, c'est vraiment clair, clair, clair, clair. Donc, la personne qui a écrit l'article sur lifehacker.com a essayé de trouver ce ruban adhésif-là. Ils ont même rempli une demande d'accès à l'information pour avoir le tape. L'agence a répondu en disant qu'il n'avait rien à dire. Je vais recommencer ça. L'agence a répondu en disant qu'il n'était pas obligé de le dire, disant que l'information n'était pas, ne faisait pas partie des dossiers gouvernementaux, mais pour essayer de l'aider, ils lui ont quand même dit. Ah! Hein? Donc, c'est du ruban adhésif qui ne peut pas être enlevé par la vapeur. C'est laminé avec des fibres de verre à l'intérieur. C'est fait spécifiquement pour la CIA. Ça s'appelle du Gummed Craft Sealing Tape. G-U-M-M-E-D, Craft avec un K, Sealing Tape. L'agence utilise du ruban adhésif de 3 pouces de large. Et on dit que l'agence l'achète en rouleau de 450 pieds. Ils ont même envoyé la CIA une photocopie du catalogue. Mais non. D'où ils commandent leur ruban adhésif. C'est Miller Supplies at Work, Government Sales Division, donc division des ventes gouvernementales. Le numéro de produit est le UFS-44HD007. Et on dit qu'après le 11 septembre 2001, le gouvernement américain a amené un système de surveillance du courrier via le service postal américain. Donc, le devant de chaque lettre peut être scanné et catalogué juste en appuyant sur un bouton. Et en fait, il y a même des preuves que le USPS photographie chaque lettre qui passe par leur système. Donc voilà, ça vous a aidé à comprendre le principe, mais vous pouvez pas vous-même acheter, parce que vous êtes pas un employé du gouvernement, ce papier collant-là. Et bonne chance pour vous en fabriquer vous-même avec de la fibre de verre. Hey boy, hein? Mais c'est vraiment intéressant, je trouve. Ouais, c'est vraiment bien. Ensuite, on s'offre des fois un petit défi là, financier. On se dit, bon, je vais me donner, je sais pas, quelques semaines, un mois, peu importe, pour faire du ménage dans mes finances, pour moins dépenser. Bon, on a déjà fait peut-être un mois sans aller au restaurant, sans acheter de gros achats. Donc, ici, pourquoi pas juste essayer à un moment donné de vous désabonner de trucs que vous utilisez plus. Pour vrai. Donc, vous pouvez OK. Évidemment, on garde Netflix. Oui, voyons. Mais il y a d'autres services, des fois, qu'on se rend pas compte, ça peut être bon. Une carte de membre chez peut-être un gym local. Hein? Ensuite, peut-être un service de streaming qui n'est pas Netflix. Peut-être que vous êtes abonné au forfait extra tout.tv, mais vous n'écoutez jamais ça. Une boîte d'abonnement, une boîte, par exemple, de dégustation de café, de bonbons, peu importe, ça existe. Des services de musique, peut-être que vous avez déjà Apple Music, Spotify, puis Pandora. Peut-être que vous pouvez juste en avoir un, t'sais. Donc, faites une liste de tous vos abonnements en regardant votre facture de carte de crédit ou de carte de débit. Important. Et cochez tous les abonnements qui sont récurrents à chaque mois. Oh, c'est bon ça. Et ça va vraiment être bon. Et il y a un service qui s'appelle Trim. C'est asktrim.com qui peut vous aider à retrouver tous vos abonnements. Donc demandez-vous si votre service vaut la peine, vaut l'argent. Est-ce que vous l'utilisez souvent? Est-ce que vous pouvez trouver une alternative gratuite ou pas chère? Essayez ça. Les abonnements, ça coûte cher à la longue. Aussi, je le rajoute, c'est pas dans l'article, mais si vous voulez aussi, faites attention quand vous... j'ai un service, je me rappelle plus c'est lequel, mais qui m'offre, je crois que c'est 4$ par mois si je le paie par mois. OK. Et 3$ par mois si je le prends pour une année à l'avance. Ah. Donc, tu sauves, tu sais, 1$ par mois. C'est ça. Ça fait 12$. Par année, ce qui est l'équivalent de 12, 3 mois. C'est ça? Bref. Ouais. J'aurais pas dû m'avancer là-dessus. Ouais, c'est ça. Ensuite, la façon la plus efficace de terminer un courriel. pour s'assurer d'avoir une réponse. Ça, c'est important. On envoie-tu passer des courriels, puis on finit-tu par pas y répondre parce que tu dis ça fait deux semaines, là, je vais pas répondre maintenant, j'aurais la fou. Ben, ouais. Ça, c'est peut-être juste moi. Hein? Non, peut-être. OK. Donc, un déluge de courriels qu'on reçoit chaque jour. Quelle est la meilleure façon de terminer un message pour avoir une réponse? Hein? Donc, c'est Boomerang, une compagnie derrière une application, des applications de productivité par courriel. A récemment fait une étude en regardant toutes les fins de courriel et leur taux de réponse pour chaque phrase. Les trois messages les plus communs étaient, sans surprise, merci. Regards en anglais, on dirait genre au revoir. Ou tu sais, mes salutations. Ouais, mes sincères salutations. Et cheers, comme un genre de ciao, peu importe. Mm-hmm. Là. Donc, la fin, par contre, qui avait reçu le plus de réponses, c'est merci d'avance, ou merci à l'avance, ou thanks in advance en anglais. La phrase a reçu un taux de réponse de 65,7%. Par comparaison, les messages qui se terminaient par best, donc vraiment, c'est comme une autre salutation, le best, qu'est-ce que tu dirais pour best? Genre, bonne journée, si on veut. Ça a seulement reçu 51,2% de taux de réponse. Terminé avec de la gratitude, de la reconnaissance. Ça fonctionne vraiment bien. Donc, la différence d'un simple merci pour avoir une réponse, donc c'est vraiment plus clair que les autres. Les courriels qui avaient vraiment un remerciement à la fin voyaient un taux de réponse de 62% en général, comparé à un taux de 46% pour les courriels sans remerciement à la fin. Tu peux finir par des petits XOXO, petit merci à l'avance, petit bonne journée, j'ai hâte de te voir. Et tu vas avoir peut-être une meilleure réponse avec de la gratitude. C'est vrai. Ensuite, on revient au sommeil un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une bonne nuit de sommeil? Pour toi, là, mettons, je te demande, une bonne nuit de sommeil, ça représente quoi? Ça représente que je me réveille puis je suis pas fatiguée. T'es pas genre plus fatiguée que quand tu t'es couché. C'est la pire affaire. Hein. C'est tellement plate. Donc, tu te dis que c'est peut-être ça, c'est passer la nuit sans être réveillé. Bon, mais il y a quatre facteurs qu'on peut vraiment compter presque. C'est comme des formules mathématiques, si on veut, pour avoir une bonne nuit de sommeil, selon le journal Sleep Health. C'est la National Sleep Foundation qui nous explique donc que de bien dormir la nuit, c'est ça a plusieurs facteurs. Il y en a quatre, donc c'est expliqué par Carrie Rome de Science of Us. Premier facteur, c'est que ça te prend moins d'une demi-heure pour t'endormir. Facteur numéro un d'une bonne nuit de sommeil, moins d'une demi-heure. J'espère que la plupart des gens, c'est moins d'une demi-heure. Moi, c'est moins d'une demi-heure. 95% du temps, je dirais, c'est moins d'une demi-heure aussi. Facteur numéro deux, tu te réveilles pas plus qu'une fois par nuit. C'est vrai. La plupart du temps, ça va aussi. Il y a des sections de l'année que je comprends pas pourquoi je me réveille. Changement de température, probablement. C'est peut-être ça. Facteur numéro 3, si tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu te rendors en dedans de 20 minutes. Ouais. Ouais. Et facteur numéro 4, tu dors pendant au moins 85% du temps que tu passes au lit. C'est vrai. Donc, moi, je trouve aussi que ces facteurs-là, les quatre ensemble. Je pense que, On l'a l'affaire. Ouais. On l'a l'affaire. On a des bonnes nuits de sommeil. Absolument. Sauf de ces temps-ci, je vais dire. 3-4 heures de sommeil en ce moment, c'est. Pas facile. Donc, des facteurs d'importance. Faites-y attention. Ensuite, on va se créer une petite horloge temporelle pour focusser lorsque vous revenez à la maison, quand vous travaillez de la maison. L'ordre des mots importe ici. Donc, travailler de la maison, des fois, ça enlève un petit peu la ligne, ça rend flou la différence entre être au travail et être à la maison. T'es chez vous, fait que tu vas regarder la TV un petit peu en même temps que tu travailles, tu vas aller te faire un café à toutes les 5 minutes. Donc, la productivité versus la relaxation, ça peut être difficile. Pour essayer de focusser, il faut se créer une horloge temporelle pour soi-même et tu vas pouvoir, entre guillemets, puncher à la fin de ta journée. On n'aime pas ça, les punchs, mais tu vas pouvoir semi-puncher. Donc, c'est le site d'affaires Entrepreneur qui nous explique que les travailleurs dans un bureau savent quand la journée se termine parce qu'il faut qu'ils aillent puncher la fin de la journée ou encore tout le monde s'en va ensemble. D'habitude, les gens quittent, bon, 17h, 17h30, peu importe, tout le monde part à peu près en même temps. Là, on parle de la plupart des bureaux, nous, c'est clairement pas ça, mais ça arrive, tu sais. Chacun son horaire. Quand on travaille à la maison, par contre, ça peut être difficile de voir le temps y aller. Le temps passe très, très vite. Donc, ça enlève un petit peu de barrière entre votre vie à la maison et la vie au travail. Donc, pour retourner un petit peu sur le bon chemin, pour rester sur la piste, on se fait un horaire. Hein? Une fois que tu as créé ton plan d'action, il faut que tu le tiennes. On dit que c'est facile d'être distrait quand on travaille à la maison. Mais se donner des deadlines, des dates limites, des heures limites et travailler vers ton but va t'aider à rester productif. Pour faire ça, il y a des applications, bien sûr. Sinon, tu peux toujours te prendre une bonne vieille horloge. Mais il faut suivre son horaire. Si la journée se termine à 17h, tu continues pas à travailler jusqu'à 17h30. Parce que tu seras pas payé pour la demi-heure de plus. C'est vrai. On se comprend là-dessus. Si c'était au bureau, tu resterais peut-être pas. Parce que t'as peut-être pas le droit d'avoir du temps supplémentaire. C'est tout. Ensuite, on continue, il nous en reste deux. La demi-heure est passée, mais c'est pas grave, on continue, on a rien que ça à faire. On va se construire, on va aller se renseigner sur un petit guide visuel pour vous aider à comprendre les portions. Est-ce que t'as de la difficulté des fois avec les portions? Parfois. J'avais de la difficulté avant, maintenant, ça va mieux. Genre une tasse, une cuillère à table. Ouais. Plus tu fais de la popote, j'imagine que plus tu comprends la consistance, le poids, la grosseur, le volume. C'est ça. Voilà. Donc, beurre d'arachide, par exemple, tiens, on nous montre sur la feuille, évidemment, là, c'est une petite affiche, là, c'est une image, c'est sur assemblagerequis.com, dans les notes de l'émission numéro 1117, si je me rappelle bien. Mm-hmm. 1114. J'étais même pas proche. 1114. Donc, une cuillère à table. On nous montre que c'est la grosseur d'une balle de golf. Des pâtes cuites, une portion, une tasse, 220 calories, environ la grosseur d'une balle de baseball. Des fruits séchés et des noix, mettons qu'on dit un quart de tasse, ben c'est de la grosseur d'un œuf. Oui. Un petit bloc de fromage. C'est de la grosseur. Gros, hein? Non, c'est de la grosseur de 8D, j'imagine. Donc 4D, un par-dessus l'autre, à deux étages. Hein? Mm-hmm. Fruits, comme des fraises dans un bol, c'est la grosseur d'une balle de tennis. Et des légumes, des raisins ici. Bon, peu importe, il y en a plein d'autres. Donc c'est. En fait, c'est sur. C'est même pas une affiche, en fait. Hein? Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est une application, oui. C'est l'application Lose It, qui a un petit guide visuel. C'est vraiment une référence rapide pour estimer les portions quand on a besoin. C'est sur iOS et Android, Lose It. Donc, c'est une petite addition à votre journal de bord de votre nourriture pour essayer de perdre du poids ou accomplir d'autres objectifs. Donc, tu te connectes et tu remarques « Je veux de l'aide avec mes portions », donc « Help with the serving size » dans le coin en bas à droite de l'application Lose It. Tu tapes dessus et ça t'amène un petit... Une petite photo, en fait, tu calcules vraiment comme, mettons, bon, moi, je veux 2 onces liquides, je veux un tiers de litre, tu sais, et ça va te montrer, tu choisis aussi, bon, tes fruits séchés ou tes noix, et ça te montre une photo à comparer, accompagner de quelque chose d'autre. C'est vraiment bien. C'est fort, c'est génial. Donc, allez voir ça, le lien est sur assemblagerequis.com, ça s'appelle Lose It, c'est sur iTunes et sur Google Play. Et pour terminer, pourquoi as-tu besoin de désaccord lorsque tu travailles en équipe? Là, tu vas me dire, attends un peu, je travaille en équipe, je veux pas de désaccord. Je veux que tout aille bien, je veux jamais me chamailler avec personne, je veux pas me faire dire quoi faire, je veux pas me faire piner puis renvoyer pin back. Faut pas faire ça, c'est pas comme ça qu'on crée une bonne relation de travail. Apprenage à mes dépens. Donc quand t'as des désaccords avec une équipe, ça peut être une bonne chose. Quand tu collabores ensemble, c'est bien si tout le monde s'entend. Mais il y a un problème... C'est rare! C'est très rare. Il y a un problème quand on est d'accord sur tout. Donc ça s'appelle le groupthink. Donc il faut essayer d'avoir des désaccords. Pas nécessairement essayer d'avoir des désaccords, mais... De comprendre le fait que ça va arriver. Donc, c'est un psychologue et un stratégiste en affaires, une femme, Liane, mm-hmm. Je veux dire Liane Davy. Donc, c'est chez Harvard Business Review. Elle nous dit que si tout le monde dans l'équipe est d'accord sur la même chose, travailler ensemble, ça servira à rien. C'est vrai, pareil. Si vous êtes 4, tout le monde est du même avis, ça avancera pas vraiment. Hein? À moins que ça avance, mais dans une seule direction, puis c'est pas là pour représenter la communauté ou tout le monde. Tu travailles pour les gens, des fois, dépendant. Ouais, ça dépend du travail. Donc, bref, un processus qui va d'un bord et de l'autre, souvent, ça va devenir un petit peu un gros dégât, hein? Ça arrive. Donc, si tu travailles en équipe, n'aie pas peur de jouer l'avocat du diable. Ce qu'il nous conseille même, c'est de provoquer. Tantôt, j'ai dit que je voulais pas dire provoquer. On veut quand même dire provoquer. Si on regarde un petit peu comme ça, ça veut dire, bon, t'es dans la discussion, on est 4 personnes, mettons. Les 4 sont d'accord, mais moi, mettons, je pourrais décider de dire, ouais, mais si, mettons, quelqu'un disait ça, là, mettons que le contraire serait vrai, est-ce que vous avez pensé à ça? Ça va provoquer un débat. Ça va provoquer une discussion qui va peut-être faire que les gens vont s'entendre sur quelque chose. Ça va peut-être mener à du bien. C'est vrai? Ça pourrait mener à d'autres solutions. Ça pourrait faire découvrir des faiblesses dans le plan. Ça pourrait encourager à penser, comme je dis, penser plus loin que le pain. Ben c'est ça. Une divergence d'opinion, c'est bon des fois. Absolument. Voilà. Donc, on va voir le lien sur... Harvard Business Review sur assemblagerequis.com. Note de l'émission, quoi? 1114. Exact. Aujourd'hui. Voilà, c'est tout. On a pris un gros bloc, mais c'était intéressant, je trouve. Des fois, il faut passer du temps pour bien faire les choses. Oui. Voilà. On y va en musique. On va écouter Mouser de Fiverr, comme dans genre, il est 5 heures, à un moment donné. On s'en va, tu comprends? Genre? C'est ça. Fiverr, hein? On punch it out. On punch out. De l'assemblage requis. Au 89 FM. C'est fou. Out in mid-October, is to come and see the Mouser head up on that chopping block. Gave the best that I could offer, made it suffer, but once again, again, once again, made to bear it once again. Fiverr avec Mouser, Assemblage requis, notre pièce qui finit très très tranquillement derrière nous, alors que les petits oiseaux reviennent. Oh, c'est mignon! On aime ça, ils sentent seuls, ils ont besoin de prendre la place. C'est ça l'affaire. Quand ils peuvent, ils sont là. Mm-hmm. Ils clopent pas out, ils punchent pas out. Sauf à 17h. C'est ça. Donc on prend une pause. Au retour, ça va être une deuxième chronique de Tania is Gonna Entertain You. On reste là? Mm-hmm. On reste là. Tout à fait, restez là. Assemblage requis. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou, 89. Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis pour la semaine du 17 juillet 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh oui, c'est déjà le moment d'une deuxième chronique pour Tania. Elle qui va nous parler de plein d'affaires intéressantes. Oui. De sport. Oui. C'est ça, truc extérieur. Extérieur. Ouais, ouais. OK, oui. Mais c'est ça quand Tania. Est-ce ça me tente de mettre ton intro de sport effiloché? Ben, vas-y. Ce serait le fun, ça te tente-tu? Ah, oh, oui. OK. Sport effiloché. On y va. Hey, hein, t'sais, on peut plus. Quand on a une opportunité, t'as pas fait sport effiloché depuis le mois de mars, genre. C'est vrai, ça fait vraiment très longtemps. Fait qu'on s'en rappelle plus, puis ça nous donne l'occasion de la remettre. Donc, dans ta chronique numéro 2 aujourd'hui, tu nous parles d'un sport que moi je connais pas, oui, qui a l'air particulier un peu. Exactement, en fait, je vais vous parler de deux sports en particulier, mais qui se ressemblent pas mal beaucoup et auxquels on pense pas nécessairement tout le temps ici, au Québec. Mm-hmm. Parce que si on pense à l'été, on pense au soccer, on pense à la jouer pluie. Au baseball, on pense à la pluie aussi. Mais c'est très rare qu'en étant ici, au Québec, on va penser à faire du surf ou encore du paddleboarding. Paddleboarding! Paddleboarding! Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais. Bien, en fait, pour ceux qui ne savent pas, le surf, c'est la planche qui est quand même assez courte sur laquelle on veut vaguer sur des vagues. Mm-hmm. Voilà. Tandis que le paddleboarding, ça se passe avec une planche qui va être pas mal plus longue et qui va avoir un pagaie, donc une rame. Oui. C'est la plus grosse différence, mais avant, ça se faisait sur les genoux. Maintenant, ça se voit de plus en plus debout sur la rampe, sur la planche. Et c'est un sport qui est né dans les années 60 à Hawaï, mais ça l'a très vite quand même dépassé. Ça l'a été dépassé. En fait, on a arrêté d'en entendre parler un petit peu à cause du surf. C'est devenu tellement populaire. Puis les gens trippaient pas mal plus sur le fait que le surf avait une planche plus courte. Ouais. Et on pouvait être un petit peu plus extrême avec la planche de surf. Donc, le but premier du paddleboarding avant, vers les années 60, c'était d'explorer ou de faire du commerce sur l'eau. C'était de pouvoir se rendre quelque part, de pouvoir visiter un petit peu, d'explorer autour de nous. Et c'est revenu sur le devant de la scène il n'y a pas très longtemps, on parle en 2004, wow, pendant une compétition de surf où quelqu'un a fait, on a tout simplement fait une démonstration de qu'est-ce qu'était le paddleboarding. Et là, c'est redevenu un petit peu un sport qui était en effervescence. Donc, on apporte une touche qui est beaucoup plus moderne maintenant. C'est le fait qu'on peut être un petit peu plus... un petit peu plus extrême en, ouais, le faisant. On va vraiment mixer le surf avec le paddleboarding original. Mais pour ceux qui ne sont pas super sûrs qu'ils seraient à l'aise sur une planche de surf, ben le paddleboarding, c'est quand même quelque chose où on va être beaucoup plus stable. Ça va nous amener une stabilité, puis ça va nous amener aussi... une espèce de rigidité envers les vagues. Donc, pour à cause de la grosseur de la planche. Exactement. La planche est beaucoup plus longue. Et aujourd'hui, on a une grande planche, on a une rame et ça amène toujours les limites justement de pouvoir affronter les vagues. Mais quand même, on peut rester calme si on le veut. Donc, ça vient juste faire un juste milieu entre le surf extrême et le bon vieux paddleboarding comme dans le temps. T'as aussi le wedgeboard, hein? Ça, c'est quand tu te promènes sur wedge la planche. Anciennement de Musique Plus, maintenant ici Radio-Canada. Ah, mon Dieu, ouais. Mathieu! Quoi? Franchement. Quoi? Il y a différentes sortes de planches. Déjà, pour la planche à surf, ça va être très, très... très précis sur le genre de planche qu'on veut parce que, bien évidemment, on veut être capable de rentrer en dessous de l'eau, on veut être capable de rester sur une vague. Tandis que le paddleboarding, c'est différent un petit peu. Comme je le disais tout à l'heure, on parle d'une planche qui va être beaucoup plus longue. Donc, on parle entre 5 pieds 11 et 15 pieds de long. 15 pieds? Ouais, ça peut être très, très long. Donc, on peut aller environ entre 1,5 m et 6,5 m. Mm-hmm. Et ça peut peser jusqu'à 16 kg pour un volume de 250 litres. Aïe, aïe. Donc, c'est très, très différent. Mais aujourd'hui, il y a deux sortes de planches que vous pouvez avoir si vous voulez faire du paddleboarding. Donc, vous pouvez avoir les planches qui vont être rigides. Ça ressemble pas mal plus aux planches de surf qu'on connaît. C'est construit de la même manière. En fait, donc, c'est fait à base de mousse qui va être couverte de couches de résine et de couches de résine et de couches de résine. J'aurais pensé que ça aurait été un petit peu de la forme du dessous d'un kayak, mettons. Ramer. Les vieilles planches de surf vont ressembler aux longues planches de paddleboarding qu'on peut voir maintenant. Okay. Avant qu'ils les fassent beaucoup plus pointues pour les planches de surf. Avant, les planches de surf étaient pas mal plus arrondies. Ah. Ça ressemble pas mal à ça. C'est des planches qui vont permettre, en fait, d'obtenir une meilleure glisse sur l'eau, contrairement à la planche de surf qui, elle, va être beaucoup plus pour... plonger en dessous de la vague pour ensuite être capable de rester sur la vague. Tandis que le paddleboarding, à la base, on veut juste glisser sur la vague, quasiment comme un bateau. Donc, on veut avoir une espèce de stabilité qui ne va pas nécessairement être trop agressive ou trop de compétition de vitesse. Ouais. Par la suite, vous avez la planche gonflable. Gonflable. Eh bien oui, on évolue de plus en plus de ce côté-là et on a de meilleures performances apparemment sur une planche gonflable que sur une planche rigide si on veut y aller un petit peu plus extrême là, du côté du paddleboarding. Donc on va obtenir un maximum de rigidité. Les constructeurs vont utiliser des matériaux qui s'appellent le drop stitch. En fait, ça consiste à joindre deux couches de PVC avec des milliers de fils. Et c'est comme ça qu'on va avoir une rigidité en plein milieu de la planche. Mais en théorie, tu la gonfles. Donc, c'est très bien. Et c'est sous une pression comprise... écoute, c'est ta pompe, là. T'sais, on s'entend. Et les planches deviennent suffisamment rigides pour porter une personne sans se plier. Wow! Donc, ça ne se pliera pas. Ça va rester comme ça. Tout simplement à cause du matériel qu'on va utiliser. C'est le fun, mais c'est très rare qu'on voit ça au Québec. Et je vous ai trouvé des places où vous pouvez faire du surf ou encore que vous pouvez faire du paddleboarding. À Trois-Rivières? Ben, vous allez voir. Un peu partout au Québec. OK. Okay? Donc, les premières places, ça va être pour le surf. On parle entre autres du parc national d'Aguebelle. C'est environ à 7 heures de Montréal. Vous pouvez aussi voir 9 heures de la ville de Québec. Ça dépend d'où vous partez. Mm-hmm. Mais ça vaut clairement la peine parce que vous allez vouloir y aller au moins une fois dans votre vie parce que c'est très, très beau en style de paysage aussi. Et si vous n'êtes pas trop, trop surf, vous pouvez aussi faire du canot, vous pouvez faire du kayak de mer pendant que, par exemple, vos amis qui tripent sur le surf, eux, vont continuer à faire du surf. Il y a le parc national de Mont-Tremblant où vous pouvez faire du surf. C'est vraiment des endroits auxquels on pense pas nécessairement parce que c'est pas un sport qu'on pratique souvent ici du côté du Québec. Mais le parc national du Mont-Tremblant, ça a des chutes, ça a des très, très beaux étangs aussi, ben, des étangs, des rivières et tout ça. Donc, il y a quand même un amassé de vagues auxquelles on pense pas qu'on peut utiliser pour faire du surf. Et les activités sont vraiment nombreuses. Vous n'êtes pas obligé de faire du surf. Vous pouvez commencer, par exemple, par une randonnée, puis par la suite, terminer en allant faire du surf. Il y a le parc national d'Oka aussi, vous pouvez aller faire ça. C'est une plage à la base et c'est un peu comme la place où vous allez pouvoir vous baigner et qui va vous faire le plus penser à être en Californie, là, tu sais, veux pas, là, t'es sur le bord de la plage. Et c'est une des plus belles plages du Québec, apparemment, et ça vaut la peine d'être vu, bien sûr, parce que, bon, c'est une des plus belles plages, mais considérant le fait que vous pouvez faire du surf là-bas, ça fait en sorte que les vagues sont merveilleuses et ça peut faire des photos incroyables. Votre Instagram en sera ravi. C'est sûr que oui. Le parc national des îles de Boucherville, donc c'est pas très loin, on parle environ une trentaine de minutes de l'île de Montréal et vous pouvez y aller en voiture, vous pouvez y aller quasiment en train si vous êtes à Montréal. Et c'est un parc national qui est isolé. Donc, c'est assez proche de la ville la plus peuplée du Québec, mais ça offre quand même une multitude d'activités pour ceux qui veulent s'y aventurer. Donc, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire de la randonnée, vous pouvez faire du kayak, du rabaska, vous pouvez même pêcher et vous ajoutez à tout ça le surf. Donc, c'est clair que c'est un parc national qui est très voulu, qui est très, très touristique aussi parce qu'il y a tellement d'activités à pouvoir y faire. Mais si vous aimez le surf, c'est une des places au Québec où vous pouvez le faire. Place auquel on passe pas nécessairement tout le temps. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est le fun, c'est que c'est original. Oui. Du côté du paddleboarding, si vous voulez vous faire initié au paddleboarding, eh bien, j'ai quelques endroits pour vous. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que la plupart vont donner soit des cours ou vont pouvoir vous louer les équipements parce que acheter des équipements de soit surf ou paddleboarding, ça peut revenir quand même assez cher. Donc, on parle du Eco Aloha Sop dans Lanaudière. Il y a plusieurs locations, d'ailleurs, un petit peu plus dans le nord. On parle de Saint-Adolphe-d'Howard aussi, à Sainte-Marguerite-du-Lac. Mais soyez pas intimidés par le nombre d'endroits qu'ils ont, mais c'est plutôt pour les activités qu'ils ont à offrir. Eux, ils vont vraiment toujours avoir une planche pour vous. Vous pouvez même faire des cours de fitness sur le paddleboarding. Donc, ce sont des cours qui se donnent. Et vous pouvez y aller pour une journée seulement aussi, si ça vous intéresse. Comme vous allez louer les équipements. Puis, entre amis, vous pouvez aller sur l'eau, aller faire un petit peu de paddleboarding, revenir. Et le soir, il y a des activités. La plupart du temps, il va y avoir des feux d'artifice. Donc, vous pouvez rester là le soir pour pouvoir admirer les activités qu'il va y avoir. Ah, oh, cute! C'est vraiment le fun. Du côté de Québec, pour ceux qui sont plus du côté de Québec, eh bien, il y a la baie de Beauport à Québec. Vous pouvez faire soit des courses de paddleboard, vous pouvez participer à un de leurs 5 cours, c'est-à-dire que vous pouvez soit prendre ça vraiment relax ou vous pouvez y aller selon très extrême. Là, ça dépend vraiment de votre niveau de connaissance par rapport à ça et aussi votre niveau d'excitation par rapport à la journée avec vos amis ou peu importe. Donc, tant qu'à y aller, vous pouvez aussi faire d'autres activités parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'offres là-bas. La plupart du temps, si tu t'en vas faire du paddleboarding sur l'eau, il y a de fortes chances qu'il y ait des kayaks. Tu sais, c'est dis-toi ça en partant. Il y a de fortes chances que la place où tu vas louer ton équipement loue aussi des kayaks. Donc, si déjà tu n'es pas trop à l'aise avec l'achalandage là, dans l'eau... Qu'est-ce que tu fais là? Fais attention. Tu sais, fais attention. T'arrives là, t'es surpris. Hein? Oui, des kayaks. C'est ça. Du côté de Trois-Rivières, Mathieu, oui, tu peux aller louer un paddleboard, tu peux faire des cours de paddleboard. C'est au Douceport. C'est un endroit où tu peux expérimenter en fait la descente de rivière, mais sur un paddleboard. Ah, ok, je comprends. Pas dans une vraie rivière, c'est comme une simulation, mais non, sur non. de l'eau. T'es là. T'es vraiment sur... Ah ouais? Oui, t'es vraiment sur une rivière, mais c'est un cours. Okay. Donc, t'as le choix entre une descente de rivière quand même assez calme ou les rapides. Oui. Donc, on pour les experts. Ouais, c'est ça. Peut-être plus pour les experts. Ça dépend aussi de votre aisance. Et il y en a beaucoup qui font du paddleboarding avec leurs chiens. Hein? C'est le fun. J'ai vu ça à quelques endroits. Il y a des gens qui ont tout simplement le budget de s'acheter une planche de paddleboarding. Quand tu fais du ça avec leur chien, des fois, c'est un poodleboarding. Mais c'est le fun parce que la planche est assez longue. Puis si vous avez un chien qui est quand même assez calme, comme par exemple, je sais pas moi, un labrador, bien, il se couche au devant puis il reste là. Oh, cute! C'est vraiment le fun. Ouais. Tu sais, c'est... Quand même, on y pense pas tout le temps, non. Mais... Amène pas ton chat, là, par contre. C'est ça. Vous avez aussi du côté de Sherbrooke où vous pouvez en faire. Ça s'appelle Eau Sup. En fait, c'est sur la rivière Magog que vous pourriez aller glisser. Vous allez pouvoir louer aussi votre planche. Et il y a des soirées qui sont spéciales où vous allez pouvoir naviguer en observant des feux d'artifice, encore une fois. Et ils ont des activités de soir pour des groupes. Donc, c'est vraiment cool. Et ça change surtout une activité avec des amis. Du côté de la Gaspésie, sachez-le, si, je sais pas moi, si vous partez en road trip pour la Gaspésie avec une gang d'amis... Il y en a qui viennent de là, ils retournent dans leur famille. Ben oui, exactement. Ben oui. Vous pouvez aller aux Nature Aventures. C'est là pour vous surprendre. Eux, on y va avec des planches gonflables. Ah oui. C'est vraiment différent. Pour essayer le feeling. Exactement. On va emprunter, en fait, les plus grandes rivières. On va essayer d'y aller à votre rythme, mais vous pouvez louer l'équipement, vous pouvez prendre aussi un cours pour la journée même. Ça dépend comment vous voulez le faire. Vous pouvez juste louer et y aller à votre guise ou prendre un guide qui va vous amener quelque part en Gaspésie. Ils vont à ton rythme, là. Ils ont une petite switch là, sur le bord, puis ils peuvent augmenter le courant du cours d'eau puis descendre. Oui, c'est ça, exactement. Ben oui. C'est merveilleux. Ben oui. Un démeur. Mais non, mais c'est le fun, dimmer. Parce que ça change des sports qu'on connaît en temps habituel. Bungie. Et honnêtement, t'es debout sur une planche, ça fait travailler ton équilibre, ça fait travailler ton haut du corps, ça fait travailler aussi ton bas. Donc, je pense qu'en termes d'activité nautique d'été, faut que j'essaye le paddleboarding. Ouais, ouais, pas le choix. Faut que tu nous en parles dans une future chronique. Oui. Ta critique. Je vais essayer d'aller au 12 Sports à Trois-Rivières. Wow. C'était pub gratuite, je vais revenir avec ça. C'est ça. Mais non, mais c'est la seule place à Trois-Rivières. Ils sont où t'es laissé passer gratuit pour y aller? On attend ça. Je vais les appeler. Et voilà. Hey! C'était le fun, ça. Ça m'a pris autant par surprise que des kayaks sur un cours d'eau. Ben, tu vois, j'essayais de voir le genre d'activité nautique que tu peux faire ici au Québec. Puis à part le kayak ou à part une chaloupe, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Prendre ton bain. Prendre ton bain, un petit peu de nage. Mm. Tandis que le surf puis le paddleboarding, présentement au Québec, c'est comme en pleine croissance. Oui, en effervescence, le déjà utilisé tantôt. C'est comme moi, j'ai dit cute deux fois. C'est merveilleux. Ça met des bulles dans ton eau. J'adore ça. Je vais y aller, honnêtement. Félicitations, Tania. Merci. ça se prend bien, compliment comme ça. Ça se prend bien comme ça. On te reprend ça la semaine prochaine. Ben oui. Pas la même chronique. Non, non. Un autre sujet. On garde une petite gêne. Avec Tania, la semaine prochaine, dans Tania is gonna entertain ya, qui jouait aujourd'hui le rôle de sport effiloché dans sa thématique musicale. Voilà. Tout à fait pour les sports nautiques. Vu qu'on est allé dans l'eau, je pense qu'on devrait sortir. On devrait sortir notre chamois pour tout enlever l'eau de nos corps. Voici yeux secs de décibels. À Sondage Requis. Au 89 FM. C'est fou! Yeah.

Tout le monde en l'air. Tout le monde en l'air. Voilà, donc c'est les bars excellent. Tendres, Val Nature, sucré, salé, noix de coco. On prend une autre pause. On a pris du retard dans nos pauses, c'est comme ça. On revient dans quelques instants avec les nouvelles de Fast Food. Restez no. là. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. C'est fou! 89.1. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui! Assemblage de qui? Vous êtes toujours à Assemblage requis en cette semaine du 17 juillet 2017 à Italia Baudin. Et Mathieu Plante. J'aime ça, 17 juillet 2017, c'est comme 1-7-0-7. C'est vrai, 1-7, hein? Clopanton, pour déménager. Ça ressemble à ça, pour vrai. Pareil. C'est quoi le numéro de téléphone? 701-0101-07? Je sais pas, tu peux pas demander ça à moi, j'en ai aucune idée. T'as pas déménagé récemment? T'as pas pris de Clopanton? J'ai pas déménagé avec des déménageurs. Non, parce qu'ils emballent tes affaires dans du tissu bleu, là, comme si c'était vraiment très très luxueux, comme un manoir. Ouais, mais j'avais pas grand meuble à déménager. Et pas le budget pour acheter le Clopanton, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça, c'est cher. Bref, pourquoi on parle de déménagement? Je le sais pas, on dirait qu'on en vient jamais, ça arrive. À ce moment, tantôt, on a goûté à notre superbe produit de la semaine. On a donné chacun notre pouce en l'air pour les bars tendres Val Nature sucré salé à la noix de coco. C'est un des meilleurs produits, je pense, qu'on a goûté jusqu'à maintenant dans la chronique. Oh, que oui! Mais attends de voir la semaine prochaine, hein? Je l'ai pas dit tantôt, mais la semaine prochaine, c'est le produit. En tout cas. À moins que les plans changent. Les plans changent tout le temps dans la vie, c'est comme tout ça. Temps. On y va au jour le jour. Et ça dépend aussi de qui est présent avec nous. Donc, si tout va bien, un autre produit style enfantin la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on puisse avoir David Ferron. On travaille là-dessus. On travaille toujours sur quelque chose. C'est vrai. Donc, bref. On le travaille, David. On le travaille. On travaille. C'est un difficile. Un bon employé, quand même. Un employé modèle. Tout à fait. Un employé mobile, que je veux dire. Mobile. Un peu comme au-dessus du lit d'un enfant dans sa bassinette. Bref. Maintenant, c'est le moment de parler d'actualité de fast-food dans la deuxième partie d'une grosse pointe d'adresse. C'est toujours une grosse pointe d'adresse, c'est le bloc de nouvelles du fast-food. Donc on se transporte un petit peu partout dans le monde, principalement aux États-Unis, pour aller trouver quelques nouvelles qui se passent dans le monde de la restauration, des dépanneurs qui servent de la nourriture, peu importe, tout ce qui se mange ou se boit. On commence avec des pharmacies aux États-Unis. On appelle des chaînes comme CVS et Walgreens aux États-Unis des pharmacies, mais t'sais, ils vendent du maquillage, un peu comme Pharmaprix, puis les autres, ils vendent du maquillage, ils vendent des trucs pour retour à l'école, ils vendent des collations, ça n'a rien à voir avec la pharmacie, mais il faut qu'ils fassent un petit peu plus d'argent. Hein? Donc CVS aux États-Unis refabrique un petit peu, revisite son inventaire et sa façon de placer le magasin pour désaccentuer, si on veut, certaines choses qui rendent les gens moins en santé. Ah, OK. Donc CVS, on se rappelle, en 2014, avait décidé d'enlever les produits du tabac. Oui, oui, j'ai bien dit en 2014. Ouais. C'est récent, là. En produits effet. Du tabac. 2014. Bref. Ça a été long. On a aussi fait d'autres petits moves, là, comme on a arrêté de vendre des huiles pour la crème solaire. Là. OK. Donc, ils ont décidé d'enlever ça, ceux qui avaient un écran solaire en bas de FPS 15. Ah, OK. Ah, c'est une bonne idée. Ces produits-là font pas grand-chose pour empêcher le cancer de la peau, nous dit-on. Ensuite, ce qui s'en vient, c'est les nourritures qui contiennent des gras trans. La chaîne va les enlever une année avant que le règlement à l'échelle du pays commence. Ouais. Donc, ils vont le faire un an avant. En plus de bannir les produits avec du gras trans, on essaie de rendre la nourriture plus santé en général. Donc, le nouveau format du magasin, dans quelques magasins test. Et ensuite, ça va être plus tard ailleurs. On parle de bretzel, de noix et de fruits séchés, là où les bonbons et les biscuits sont présentement dans les pharmacies CVS et Walgreens. Tu sais, dans un pharmaprix, peu importe, là, t'as une grande allée avec des biscuits Oreo. Là. Mm-hmm. Puis les produits genre du savon, puis après ça, t'as des... Ouais, c'est bizarre un peu. Ça a aucun sens comment c'est placé. Donc, ils vont essayer de changer ça. Les bonbons et les gommes qui sont des achats par impulsion, des achats impulsifs, je pense qu'on dit, près de la caisse enregistreuse, présentement, maintenant, il va falloir les chercher. Il va falloir aller chercher des plus gros emballages de ces produits-là. Ils seront plus à l'unité, au comptoir. Même chose pour les boissons gazeuses qui vont laisser leur place à l'eau et au jus. Je suis d'accord pour les boissons gazeuses, mais pour la gomme... J'avoue que c'est... Ouais, mais de la gomme sans sucre, ils pourraient la laisser, hein. Mais là, oui, c'est intuitif. Tu sais, c'est pas excessif comme achat. C'est... J'arrive à caisse, puis là, je fais... Ah, oh, c'est vrai, j'en ai plus. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'y pense quand j'arrive à caisse. C'est peut-être un petit peu extrémiste comme façon de faire, mais bon. Pour la gomme, oui. Oui, et là, il va falloir les acheter en paquets de, tu sais, plusieurs paquets. Bon. Donc, bref, Walgreens dit qu'il laisse le choix aux clients, aux consommateurs, mais ils vont les récompenser en faisant des choix plus santé via leur programme de... Pardon, de loyauté. Donc, j'imagine qu'il faut avoir plus de points ou de retour en argent sur des produits santé. Les magasins vendent des produits du tabac, mais évidemment, comme ici, on peut pas les afficher de façon prominente. Hein? Mm-hmm. Walgreens ajoute plus d'options santé pour les collations, tout en gardant les bonbons et les biscuits à l'avant du magasin. Eux, ils font ça autrement comparé à CVS. Bref, quel modèle va gagner? On va voir un jour. Ensuite, un bar de sieste vient d'ouvrir en Espagne. Sieste. Ouais, siesta time. Tu sais, on a des cafés avec des chats, ouais. Des trucs comme ça. Donc, on y va autrement. Il y aura pas de chats, mais tu sais, une sieste. Ça y aurait dû faire. Ils devraient les ouvrir un à côté de l'autre. Clairement. Un café chat et puis un petit bar sieste. Hein? Ça s'est situé à Madrid. De Siesta and Go offre des lits à la minute ou à l'heure pour pouvoir aller dormir un petit peu sur l'heure du midi, basé sur le concept de la siesta, bien sûr. Inspiré par des endroits à concept similaires partout dans le monde, comme à Londres et à Dubaï, Siesta and Go espère que les gens locaux et les voyageurs, les touristes, vont trouver une place pour faire une petite sieste, travailler sinon en silence. Ils espèrent que les gens vont vouloir payer pour ça. Ils offrent des chambres partagées, des chambres privées où vous pouvez bien sûr dormir ou sinon relaxer dans une chaise, un fauteuil, en lisant le journal. Selon leur site web que vous pouvez aller visiter sur siestango.com, une chambre privée coûte entre 14 et 16 $ US ou 273 $ US pour 1200 minutes. J'avais dit 14 à 16 $ US l'heure. Hein? Je pense que j'avais pas dit l'heure. Non, en effet. Voilà. Un lit à deux étages coûte entre 9 et 11 $ US par heure ou encore 182 $ pour US encore pour 1200 minutes. Ils offrent aussi des promotions mensuelles et du temps bonus. Donc j'imagine plus tu y vas, plus tu y vas souvent. Ouais. Plus tu vas avoir du temps gratuit, des journées gratuites, des nuits. Peu importe. Donc Siesta & Go donne à chaque client leur propre ensemble de couvertures ainsi qu'une douillette à utilisation unique. Pas une douillette, mais une couverture à utilisation unique. Okay. Café, journal, pantoufles, robe de nuit aussi à utilisation unique. Je sais pas le gaspillage que ça risque de faire, ça, par contre. Je sais pas, hein. Bien sûr, on dit que faire des siestes a plein d'avantages pour votre vie, pour votre santé. Donc, la prochaine fois que vous passez à Madrid, hein, allez dormir chez Siesta & Go. Quelle bonne idée. Comme on le fait fréquemment. Comme fréquemment. Ensuite, chaque fois qu'on va là-bas, voyons. T'as remarqué une thématique dans les précédentes chroniques d'après le crime, qu'on parle souvent de religion. Oui, c'est vrai. J'en ai des fois aussi dans une grosse pointe d'adresse. On parle qu'on peut enfin acheter de l'alcool dans le Minnesota le dimanche. Ah! Oui, le Minnesota se débarrasse d'une loi locale, une loi d'État qui s'appelle la Blue Law, qui empêchait la vente d'alcool le dimanche à cause de qui d'autre que Jesus Christ Superstar. Ben, franchement. Donc récemment, c'était la première fois de l'histoire de l'État où on pouvait aller dans un magasin, une boutique, acheter une bouteille de vin à la place d'avoir à attendre 24 heures pour faire exactement la même chose, mais le lundi. Hein, c'est bien de savoir qu'on peut changer ces choses-là. Sous la nouvelle loi, les vendeurs d'alcool partout dans l'État ont le droit de rester ouverts les dimanches entre 11h et 18h. Mais les villes peuvent passer une loi pour garder les magasins fermés s'ils veulent. Donc c'est à l'intérieur des villes à la place d'être une loi d'État au complet. L'opposition à cette règle du dimanche qui existe depuis 1858 dans l'État a commencé à faire boule de neige récemment, surtout grâce au soutien de nouveaux décideurs nouvellement élus qui répondent à un soutien énorme du public par rapport au retrait de cette loi-là. La loi qui a été annulée donc en mars par une majorité bipartisane, mais évidemment, ça a quand même fait un petit peu controverse. Ensuite, on reste avec Dieu et on va cette fois-ci dans l'Utah. On parle à Dieu dans l'Utah. Est-ce que tu connais la loi du Zion Curtain? Non, je connais pas ça. Une loi qui maintenant n'existe plus, une loi complètement ridicule basée sur la religion. L'Utah s'en est enfin débarrassé. Depuis plusieurs années, les restaurants récents dans l'État sont forcés à mettre une barricade de vitres. À leur part, je te promets que c'est la vérité. Cherche Zion Curtain comme dans Z-I-O-N. C'est une barricade, donc une vitre floutée, un petit peu vitre givrée devant le bar, ce qui empêche les clients de voir l'énorme blasphème qui est un bartender qui sert les drinks. On se comprend? Les Mormons oui. ne prennent pas d'alcool, ça non. tu savais peut-être. Ils ont le droit, c'est absolument parfait, je ne juge pas ça. Mm-hmm. Ce que je juge, c'est la partition pour pas voir mm-hmm. quelqu'un servir de l'alcool. Donc bref, le rideau est tombé, c'est comme le mur de Berlin. Et plusieurs bartenders ont célébré ça en pétant les vitres au sol. J'adore non. ça, j'adore ça. Même les gens qui travaillent dans les bars, t'es pas d'accord? Mais là, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ils disent ça attire pas le monde chez vous. Hein? Ben justement, ça attire pas le monde chez vous. T'amènes un excellent point. Depuis les deux dernières années, ça a probablement coûté 3 500 $ US de vente de ne pas pouvoir. Non. Ouais, je te jure. On dit que les gens refusaient de s'asseoir au bar là où ils allaient faire face à un os de mur. Wow. Non, mais tu sais. C'est vrai. C'est n'importe quoi. Bref, la loi était controversée depuis longtemps dans l'industrie de la restauration de l'Utah. Ça a fait donc des campagnes et tout ça. Et bref, on disait que les enfants pouvaient toujours voir les clients boire de l'alcool. Donc, en tant que tel, ça changeait pas grand-chose d'avoir la partition entre les deux. Protéger les enfants de boire de l'alcool alors qu'ils attendent leurs frites à 1200 calories livrées à leur table, dit un critique. Donc, c'est un petit peu ironique. À peu près ça. Il y avait... ces barrières-là dans plusieurs restaurants dans l'Utah. Wow. Ensuite, celui-là, c'est juste une petite nouvelle en bref, comme ça, que ça sert pas à grand-chose. C'est un tweet qui a fait le tour dans les dernières semaines. C'est un sac de Chipotle. Chipotle étant un restaurant aux États-Unis, et tu peux commander ta propre commande, donc vraiment faire ça sur mesure, un petit peu comme un Subway ou peu importe, où tu peux demander tes ingrédients. Mm-hmm. Et la personne, sur Twitter, a demandé à l'équipe de Chipotle de mettre chaque ingrédient de sa commande pour faire des tacos au poulet dans un contenant séparé. Tu sais, quand tu demandes ta poutine sauce à part... C'est correct. Ça va. Le gars a commandé ses tacos au chicken, au poulet, avec son fromage râpé dans un bol, sa salade dans un bol, ses tomates dans un bol, sa sauce dans Mais un bol. Mais à un certain moment... Je comprends peut-être pourquoi. La mollitude. Ouais, il voulait pas que ça soit mou. Va donc manger sur place. Mais il pouvait peut-être pas, il était peut-être au travail. T'en vas au travail, tu t'installes en salle de pause, t'ouvres ton sac, t'ouvres ton... t'es chacun de tes contenants, tu commences à faire du... T'amènes ton slap chop, clairement, aussi, pour pouvoir... Mais non, mais il est déjà fait. T'sais, non, mais sérieux. Mais je serais déjà à faire ça. Tu t'amènerais les ingrédients pour faire un tacos ou tu commanderais des tacos en pièces détachées comme ça? Mais c'est parce que tu sais pas, entre le temps que tu le commandes puis le temps qu'il arrive... Le livreur est lent, des fois. Ouais. Ouais, c'est pas fou. Tu sais, moi, ça me tente pas que mon pita, là, il soit détrempé. Mais j'espère que quand tu fais ça, tu t'offres beaucoup de pourboire, non? À quoi que le livreur, c'est pas son mais problème, pourquoi? C'est le chef. Parce que dis-moi combien de temps de plus ça a pris le mettre dans le petit plat. Wow, mettons que t'es allé chercher 10 plats, 10 bols, pis t'es faut que t'es ouf, faut que tu mettes les affaires dedans, tu refermes le bas, tu mets le sac. Mais le petit gars, il est déjà à côté de tout ce qui est commande. T'as pas tort. T'as pas tort. Je te donne le point. Tu sais, il est attitré à tout ce qui est commande. Automatiquement, il doit mettre la sauce dans un petit bol, fait qu'il y a des petits bols à côté de lui, là. Ouais, il le met dans le bol, il le met dans le tacos, hein. Tu sais, c'est... Ouais, c'est, pas... c'est peut-être même moins long peut-être. Pour lui. Peut-être. Parce qu'ils sont peut-être déjà tous individuellement selon les portions. Hey, ça se peut ça. Il a peut-être juste pris toutes les bols puis il les a mis dans le sac. Mais t'as raison, parce qu'en tant que tel, mettons qu'il faut qu'il mette une certaine portion de salade et peut-être déjà précalculé dans un petit plat. Tu penses. Je pense. Tu penses dis? Plus loin que le pain, comme on dit. Et voilà. On dit pas J'suis ça. Je suis intelligent. On va chez McDonald's. Oui, et très très humble. Hein? Tout à fait. McDonald's qui s'assemble avec Uber Eats pour lancer un service de... Est-ce que t'as entendu parler de la service de livraison au Canada? Non! Parce que t'as entendu parler du déjeuner toute la journée, le salut bonjour, on a fait le tour. Hein. Mais maintenant, on lance la livraison d'hamburger et d'autres oui, produits au Canada. J'ai vu ça. Bon, il me semblait mais aussi. Mais je pense qu'il y a simplement certaines places qui le font. Là. C'est pas tout le monde. Non, non, c'est ça, exactement. Mais fais que je te dise, que tu te rappelles que tu n'entends pas. C'est ça, exactement. T'as raison. Donc, ce nouveau partenariat entre Uber Eats, ça, c'est le service de livraison là, par voiture avec Uber. On se comprend. Donc, le service McDelivery s'en vient dans des villes canadiennes sélectionnées. Donc, les utilisateurs vont avoir accès au menu de McDonald's via l'application Uber Eats pour commander leur bébac et leurs frites. Donc, c'est disponible dans 187 restaurants du Canada. On prévoit amener ça dans 60 autres restaurants d'ici la fin de l'été. Donc, d'ici la fin de l'été, le partenariat devrait inclure le service dans 31 restaurants à Montréal, 18 à Ottawa, 145 à Toronto et dans le Grand Toronto, 43 à Edmonton et 20 à Calgary. Alors, dirais que je fais la météo en ce moment. C'est vrai. En ce moment, par contre, McDelivery n'est pas disponible à Calgary en Alberta. Pourquoi est-ce qu'on nous précise ça? J'en ai absolument aucune idée. Pourquoi l'article dit ça? Sérieux, ça n'a aucun sens. On s'en fout. Je sais pas. Donc, pour accéder au service McDelivery, c'est sur l'application Uber Eats. On entre ses informations de livraison et on clique sur McDonald's. Bref, allez, essayez ça. Ensuite, on va chez Baskin-Robbins. C'est une chaîne de crème glacée. Oui. Qui essaie, en fait, de livrer de la crème glacée sans la faire fondre jusque chez toi. Mais ils ont des containers à refroidisseurs. C'est intriguant quand même de pouvoir se faire livrer de la crème glacée. En fait, chez Baskin-Robbins, on teste la livraison de crème glacée à LA et à Chicago. Et on essaie maintenant de prendre l'expansion dans plus de 600 boutiques à travers le pays. Donc les gens dans 22 villes vont pouvoir se commander n'importe quel délice glacé offert par Baskin-Robbins. Que ce soit une petite boule de crème glacée, un milkshake, le frapper, des gâteaux. C'est vrai. Via le service DoorDash. Donc, les sundaes, par contre, ne viennent pas avec la crème fouettée parce que la compagnie trouve que la crème fouettée se dissout trop facilement. On ne peut pas faire de miracle là-dessus. Non, c'est vrai. Pour démarrer ce service-là, les deux compagnies vont livrer de la crème glacée dans des hôpitaux pour enfants dans plusieurs villes. C'était le 14 juillet dernier, ça vient de se passer. Et ils offraient des démonstrations, des petits échantillons gratuits dans leur boutique, leur magasin ce jour-là. Donc, vous pouvez aller voir, bien sûr, aux États-Unis, DoorDash.com. Ensuite, c'est un propriétaire d'une pizzeria pakistanais qui a couvert, et là je sais là, que ça va faire controverse, là, je passerai pas de commentaire éditorial là-dessus, là, mais qui couvre le coût de ses serveuses robots pour éviter de faire scandale. Ah. Le Pakistan, donc le plus récent pays à avoir amené des serveuses robotisées, donc des robots, mais serveuses, dans les restaurants. Dans ce cas-ci, le propriétaire de la pizzeria, Osama Jeffrey, dit que les ventes ont doublé depuis qu'il a amené ses robots en février. Mais on a remarqué, dans un article du Washington Post, que le robot ressemble donc à une fille, une femme maigre, qui porte une longue robe, ainsi qu'un tablier. Il dit qu'il a enveloppé le cou d'un foulard pour ne pas offusquer... c'est un robot. Ouais. C'est un robot. Mais je passe pas le commentaire éditorial, mais c'est robot. Ouais, c'est ça. T'sais? Bref, vous en faites votre propre conclusion. C'est pas une femme, c'est un robot. L'industrie. Ah, celui-là. Celui-là me fait rire, Tania. Ah ouais, okay. J'aime ça t'avertir à l'avance de la sensation que tu vas vivre après une nouvelle. C'est ça, je me sens aidée. L'industrie laitière dit que 48% des Américains ne savent pas d'où vient le lait au chocolat. L'Innovation Center for US Dairy a posé la question à 1000 personnes, 1000 adultes, représentant les 50 États sur leur connaissance et leur utilisation des produits laitiers. La statistique qui attire l'attention de tout le monde, c'est que le sondage donne 48% des gens dans le sondage ne savaient pas comment le lait au chocolat était fabriqué. 7% croient que ça vient de vaches, je te jure, brunes. Franchement! On parle d'une éducation de primaire, probablement. Oh my god! 7% des Américains pensent que le lait de Peeps, tu sais, le Peeps, là, c'est les petites guimauves, là. Il y a du lait de Peeps qui goûte la guimauve. Bref, ils pensent. Ça vient d'où, ça? Non? Je sais pas. En fait, j'ai aucune idée. Ça le dit pas. Ça le dit pas. on dit que. Ben, c'est ça, on dit à peu près ça. Le reste, c'est quoi? C'est. Le U.S. Department of Agriculture nous apprend que 12,3% des gens dans le Missouri et l'Indiana croyaient que leur hamburger était fait à partir de la viande de cochon. 5,9% pensaient que c'était... qu'ils ne savaient pas de quoi c'était fait un hamburger. Ben là, le monde, ils sont-tu... Mais au moins, si on vire à l'envers le 7% de tantôt, 93% des gens comprennent d'où vient le lait au chocolat. Mais quand même, on le vire à l'envers, c'est pas mal plus impressionnant de dire que 7% des gens ne pensent que ça vient de... que ça vient d'où? Que ça vient de vaches brunes. 48% savent juste pas. C'est ça? C'est ça? 48%? Ouais, c'est ça. Bref, quel drôle. Ouais, mais il y en a quand même 48% qui savent pas comment il est fait. Ils savent juste pas comment il est fait. Même tu mets de la poudre de cacao dans le lait. Ouais. C'est du chocolat. Ouais. Est-ce que tu veux que je continue parce que ça reste intriguant? En 2011, une étude d'enfants à l'école primaire en Californie, dans une section urbaine, comme on appelle, de la Californie, nous apprend que seulement 22% des enfants savaient que la source des cornichons... C'est quoi la source d'un cornichon? Un concombre. Mm-hmm. Mais 22% des enfants le savaient. OK. Alors que les enfants ne savaient pas comment la nourriture était transformée. Donc 72% des enfants ne savaient pas que le fromage est fait à partir de lait de vache. Oh là là! Notre étude de tout à l'heure, l'Innovation Center for US Dairy, nous apprend que 95% des gens au sondage avaient au moins un type de fromage dans leur frigo et que 80% en avaient au moins deux. Ça nous apprend aussi que 42% des participants avaient consommé du lait au déjeuner. 43% disent inclure un breuvage laitier dans leur premier repas de la journée, donc surtout dans du café, entre autres. Voilà. Tout un sondage. Oh boy! Les poulets vont bientôt, ou peut-être pourront bientôt, être plus chers parce que les oiseaux sont trop vieux et trop gros pour se multiplier, pour s'accoupler. OK. Hein? Donc, les Américains qui mangent beaucoup de poulet ont dit que 1% ou moins des œufs de poulet vont produire des poussins en santé comparés au passé. 1% de moins que le passé, pardon. On dit que chaque mois, l'industrie de la volaille américaine a besoin de 750 millions de nouveaux oiseaux pour les élever puis les tuer sauvagement. Résoudre ce problème, pardon, pourrait ne pas être si simple que ça. L'industrie de la volaille n'a pas encore exactement trouvé la cause de la fertilité, des problèmes de fertilité des poulets, donc qui est en pente descendante. Il y a plusieurs hypothèses, ça pourrait être une combinaison de facteurs. On dit que les poulets se rendent à 6 livres lorsqu'ils ont seulement 7 ans et sont deux fois plus gros que les poulets qui les précédaient par le passé. Donc on les surnourrit, soit on les sous-nourrit, ça affecte leur libido et leur santé. Ça pourrait être un petit peu plus difficile de s'accoupler. Donc ils sont un petit peu paresseux, ils sont gros, ils sont lourds. Et un manque de poussins pourrait mener à des prix plus élevés pour le poulet dans le futur, à moins que les experts trouvent une façon de motiver leurs poupoules. Ensuite, on retourne à l'alcool, à la bière, les bières de microbrasserie. Il y a des brasseurs de microbrasserie qui veulent être retirés d'un site de critique de bière après avoir appris que AB InBev est un propriétaire. AB InBev, qui est une grande compagnie de production de bière commerciale populaire. Donc, selon le New York Times, Dogfish Head et Six Point, Dogfish Head, c'est dans le Delaware, et Six Point, c'est à Brooklyn. Donc, c'est des microbrasseurs qui sont parmi les plus grands noms des microbrasseurs qui essaient de retirer leur critique du site ratebeer.com, un forum en ligne pour les amateurs de bière qui partagent leurs opinions, et leurs cotes par rapport à différentes bières. Donc le site dit être un site basé sur la communauté qui essaie de rester non biaisé dans leurs critiques et dans leur contenu éditorial. Mais les microbrasseurs posent des questions là-dessus, remettent ça en question après avoir appris que ZX Ventures, qui est un incubateur opéré par AB InBev, qui a son grand portfolio de bières commerciales, mais aussi des bières de microbrasserie style. Okay, ouais. Genre, ils font des bières grand public, mais qui goûtent la microbrasserie. Qui goûtent, ouais, c'est ça. Ils essaient de faire ça pour se creuser un petit marché là-dedans, prendre de la place dans les... Je comprends pas les amateurs de microbrasserie qui achèteraient ces bières de microbrasserie. Je sais pas, non plus. Mais bon, donc on dit que c'est le chef visionnaire. Tu sais, il se prend pas pour rien. Ouais, là, non, c'est ça. Chez Sixpoint, qui dit au Times que Rate Beer a maintenant un énorme conflit d'intérêts. Donc le site à la base était un site de confiance, maintenant qu'il est propriété de grands brasseurs, ça pourrait changer. Plein d'autres détails sur l'article, mais vous savez maintenant que RareBeer.com est une propriété d'InBev. Ensuite, le bœuf frais chez McDonald's, ça veut dire plus d'attente et plus de clients impatients. McDonald's commence, on l'a déjà parlé dans la chronique, ils commencent à amener des boulettes de bœuf fraîches et non pas congelées dans leur restaurant pour essayer de ramener les gens qui veulent des burgers qui goûtent un peu meilleurs. On dit que ça va ralentir la cuisine et ça va faire que plusieurs fans de McDonald's vont quitter la chaîne. McDonald's a commencé à offrir des quarts de livre frais dans plusieurs endroits au Texas et dans l'Oklahoma en 2016. Ils ont amené l'option dans plus de restaurants au Texas au printemps. Et maintenant, ils annoncent que la majorité des restaurants vont avoir du bœuf frais sur leur menu en 2018. Mais cette expansion-là, comme je disais, a un prix. Leurs burgers signature prennent environ une minute de plus à faire. Et donc, les gens sont impatients. Ça peut en être beaucoup, mais quand tu utilises un service à l'auto, par exemple, pour une petite bouchée, une minute, c'est quand même long. Une étude de QSR Magazine nous apprend que le temps de service moyen chez McDonald's au service à l'auto en 2016 était de 208,2 secondes, environ 3 minutes 47, bien en dessous du leader dans la catégorie qui est Wendy's avec un record de 169,1 secondes ou 2 minutes 81. Vaut la peine par contre de noter que Wendy's aussi utilise des boulettes de bœuf fraîche et sont capables de faire bouger les lignes. Est-ce que c'est parce qu'ils ont moins de clients? Peut-être. Peut-être bien. Donc, plusieurs gérants de McDonald's à Dallas disent à Reuters, l'agence de presse, que jusqu'à maintenant offrir du bœuf frais a augmenté les ventes, ça a amélioré leurs chiffres. Ils essaient de battre les désavantages en avertissant les gens avant de commander, en commandant que leur repas va prendre un petit peu plus de temps. On ne sait pas si les gens vont être capables d'attendre plus longtemps. On va voir sur la courbe à long terme. C'est burger frais chez McDonald's aux États-Unis. Ensuite... Two Dunkin' Donuts We Go avec des ventes en après-midi chez les concurrents pardon, qui font mal aux ventes en après-midi. Donc Dunkin' Donuts portait attention lorsque McDonald's a commencé à faire des repas déjeuner toute la journée, mais maintenant c'est pas le repas matinal en fait qui cause des problèmes pour la chaîne. On dit que Dunkin' perd des clients à McDonald's, Burger King et d'autres fast-food l'après-midi pour ceux qui vont chercher un café. Donc CNBC dit que la promotion McCafé chez McDonald's, c'est des cafés pas chers, donc ça nuit vraiment à Dunkin' qui essaie d'amener des gens au milieu de la journée. C'est un problème que le directeur général Nigel Travis a discuté lors de la Jefferies Consumer Conference, qui dit que les ventes de l'après-midi ont commencé à descendre. Oh, donc, ouais, c'est malheureux pour eux. Donc, la compagnie prévoit continuer d'offrir des promotions spéciales comme le café glacé à 2$ pour le reste de l'année pour essayer de récupérer ces ventes-là. Mais Dunkin' Donuts va moins bien en après-midi versus les autres. Burger King, Tim Hortons ces deux-là, oui, ils veulent se calmer un petit peu sur les antibiotiques dans leur poulet. On parlait de poulet tantôt, qui avait de la misère à s'accoupler. Donc les gens se soucient un petit peu de l'utilisation de l'antibiotique dans les animaux de ferme. Burger King est ajouté maintenant à la liste des chaînes de fast-food qui va essayer de calmer un petit peu ça, l'utilisation de ces drogues-là, médicaments, ou peu importe. Donc ces antibiotiques qui aident à produire des poulets avec plus de viande, tu savais peut-être que c'était à ça que ça servait. Malheureusement, leur utilisation à faible dose, mais en continu d'antibiotiques, qui contribuent aussi au développement de bactéries résistantes aux antibiotiques, ce qui fait que ces médicaments-là sont moins efficaces sinon même inutiles pour le traitement de vraies maladies chez ces poulets-là. Donc Restaurant Brands International, la compagnie parente de Burger King et Tim Hortons, a promis qu'ils vont couper l'utilisation des antibiotiques dans leur poulet des deux chaînes de restaurants d'ici la fin de 2018. Voilà. On va falloir terminer bientôt. Il nous en reste une. Tiens, je pense que je vais en faire une dernière. C'est le sourdough cocktail. Leur ingrédient principal a été volé. Quelqu'un a volé l'orteil humaine momifiée fabriquée pour faire le célèbre sourdough cocktail dans le Yukon. C'est vrai. Le Sourdough Saloon, qui fait partie du Downtown Hotel à Dawson City, au Yukon, c'est là qu'on propose la tradition de servir un drink unique pour quelqu'un qui est assez brave pour l'essayer. Ouais. Le Sourdough Cocktail, donc c'est un mélange, un shooter de whisky, souvent du Yukon Jack, servi avec un vrai orteil d'humain tout plissé à l'intérieur. Pour devenir membre du Sourdough Cocktail Club, il faut promettre... Ouais. Faut s'assermenter le Sourdough Oath et se souvenir de la plus importante règle. Tu peux le boire rapidement, tu peux le boire lentement, mais tes lèvres doivent absolument toucher à l'orteil. Et la règle la plus importante, tu ne peux pas avaler l'orteil. Non, une chance. Parce qu'ils vont te faire probablement vomir, là. On s'entend que c'est important, là. Mais tout ça pour dire qu'ils se sont fait voler. Un client a commandé le drink récemment, il est parti avec l'orteil, il a convaincu les membres de l'équipe de lui servir le drink à l'extérieur de l'endroit désigné qui est le Toe Time. C'est une place vraiment complètement... fermée. J'imagine fermée, mais c'est là qu'on sert ce cocktail-là, justement, par sûreté. L'hôtel a un backup, un plan B, un autre orteil. Arc, c'est dégueulasse! Je te jure, mais apparemment, elles sont très difficiles à trouver, ces orteils-là. Ben, c'est sûr. Ils sont. C'est un orteil. T'as coupé à qui? C'est ça. Selon la légende, c'est un rum runner qu'on appelle dans les années 20, qui s'appelait Louis Lincoln, qui s'est gelé les pieds, a juste gelé son gros orteil pendant une livraison à la frontière. Donc Rum Runner, j'imagine que c'est un livreur de rhum, pour empêcher la gangrène. Son frère Otto a amputé l'orteil gelé avec une hache. Il l'a préservé dans un pot d'alcool pour commémorer le moment. Plusieurs années plus tard, l'orteil a été découverte dans une cabane abandonnée, un chalet abandonné si on veut, et ça a été amené ensuite au centre-ville où naturellement c'est devenu l'ingrédient naturel d'un des cocktails les plus dégoûtants au monde. Je sais pas pourquoi ils disent un dé, moi j'imagine qu'il y en a d'autres. L'orteil a été accidentellement avalé. Je l'ai dit tantôt qu'il allait te le faire vomir. Est-ce que ça va être ça, tu penses? En 2013, un auteur, un écrivain de la Nouvelle-Orléans a intentionnellement avalé l'orteil et a payé la contravention de $500. L'hôtel a ensuite augmenté le frais à $2,500. Au total, au moins 8 autres orteils. Wow! 8 autres orteils! Ont été perdus ou sont introuvables depuis le début de la tradition en 1973. 10 leur ont été donnés par d'autres. Et après 6 mois passés dans le sel... L'orteil venait juste de débuter la semaine d'avant, genre la fin de semaine d'avant, c'était un nouvel orteil qu'il y avait, donc que la personne a volé. C'est comme du jerky, hein? Je suis pas certaine que je voudrais goûter à ce jerky-là. Ils ont fait une petite affiche, un peu comme quand tu cherches ton chat ou ton chien. Ça dit « Sourdough Cocktail » qui aurait été vous, je sais pas ce que c'est, là, je ferai pas de recherche là-dessus, le soir du 17 juin dernier, vu pour la dernière fois au Downtown Hotel Sourdough Saloon à Dawson City dans le Yukon. Récompense offerte. Si vous savez où est notre sourdough ou si vous avez des informations à ce sujet, veuillez contacter le Downtown Hotel au 867-993-5346. C'est une histoire magnifique. Wow! Savais-tu qu'il y a plus de 100 000 membres du Sourdough Cocktail Club partout dans le monde? Et si tu peux pas te rendre à Dawson City, tout ce qu'il te faut, si tu veux t'en faire un à la maison, c'est un orteil. Un orteil déshydraté, un once au minimum d'alcool et garniture de courage. Ah, sérieux, le cœur me lève. C'est fantastique. Heureusement, j'ai un suivi de ça, une mise à jour à te faire. Tu vas être contente de l'entendre, Tania. Le voleur a ramené l'orteil. La police a réussi à le retrouver parce qu'il a laissé son certificat du Sour Toe Cocktail Club derrière lui, déjà rempli avec son nom dessus. Il est donc bien niaiseux. Il a renvoyé l'orteil à l'hôtel par courrier avec une excuse. Une lettre d'excuse. Pourquoi il était parti avec? Ça le dit-tu dans l'excuse? Non, ça devait être un défi, j'imagine, je sais pas. Peut-être que quelqu'un lui a dit pas game de voler l'orteil. Peut-être. Je sais pas. Mais voilà, on s'est rendu. On a fait, quoi, une quinzaine de nouvelles environ dans ce bloc. Les liens sont sur les notes de l'émission numéro 11-14 d'Assemblage requis. Mais nous, malheureusement, on va devoir se laisser là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci, Tania. Merci à toi, Mathieu. Bonne émission encore aujourd'hui. On s'est amusé avec plein de sujets des plus diversifiés. On va faire la même chose. Tout à fait. La semaine prochaine, jeudi, entre 14h et 17h. Après nous. Tu seras tout seul. Oh, c'est vrai. Rappelle-moi pas ça. Non, je suis désolée. Je serai absent. Je vais trouver quelqu'un pour te remplacer, je crois. Même si c'est irremplaçable. Mais je pourrais... on va regarder ce qui va se passer. J'aimerais ça. Par téléphone ou même peu importe. Ouais, c'est ça. On va travailler là-dessus. On verra. Donc, la semaine prochaine, entre 14h et 17h, le jeudi, avec nous, juste après, c'est Rock Révélé à l'émission de Culture Rock. On rappelle. Ensuite, on repasse samedi entre midi et 15h. Après nous, la rediffusion de En piste avec Tania Baudin de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé, Tania? On est bien évidemment... On a parlé de ce qui s'était passé cette fin de semaine. Grosse fin de semaine du côté de Toronto. On a aussi eu un bon bloc électrique. On parle d'énergie. Oh. En fait, on parle d'une nouvelle sorte d'essence pour les voitures électriques. Crème essence de vanille. Oh, de l'aquafuel, Mathieu. Oh. Hey, on dirait un après-rasage. Non, c'est vrai que ça sonne de même. On va mettre un petit peu d'aquafuel. Hein? Et on passe finalement tous les mercredis entre 11h et 14h. Après nous, nouvelle édition de En piste avec Tania Baudin qui s'en vient dans quelques instants. Restez là. Moi, je vais être là mercredi à 15h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, l'émission de La Fierté Geek. Sinon, ben, cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. On se quitte avec une pièce du palmarès anglophone par Timber Timber. Ça fait un bout qu'on n'a pas entendu. Griff. Thing. Oh, c'est drifting. Bon dans nos oreilles, ça. Fait que va-t'en faire du paddleboard. Hey, c'est sûr, faut que je l'essaye, Mathieu, tu sais que moi? Ouais, hein, avez-vous vu comment Mathieu est... T'es coupé, hein? Je fais du 4h du matin à 23h à partir de la semaine prochaine. Oh, tu fais pitié. C'est je te parle d'une fin de semaine. Oh, j'ai pas de fin de semaine, mais Ah, t'es aux courses la fin de semaine? Oui, c'est ça. En fait, en fin de semaine, c'est la seule fin de semaine que j'ai de disponible pour les 5 prochaines semaines. Activité parascolaire. C'est ça. Colin, hey. Le temps est dur. C'est en fin de semaine que ça se passe, les amis. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Tout se passe en fin de semaine. À la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye. It's cheese and money, for what it's worth. faces spoke in mirrored cases, like of a hand in a waveless vanished, gone and traceless, pilfering the nation, dazzling the patron, milking fascination, pitching, pinching, grifting, grifting, grifting. Ripping off the radar, ripping off what they are. House of gilded swindlers, brick by brick, unbuild and grift the true believer, grift the great achiever, grift the great deceiver, grifting, grifting, grifting, grifting, grifting. Gifted at birth.